Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stead, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yes, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Guiguette va bien. Ça va bien. Avec mon micro, ça va mieux. Il n'est pas allumé. Bravo, quel professionnalisme. Merci, Jérémy. Il passe ça, il est pour rien. Non, c'est coup, vrai, c'est moi. Pour le coup, c'est ta merci. Faute. Merci. Voilà. Pietre, hein. Arrête. Ouais. Arrête. Vous m'avez pourri monté. Ils m'ont fait une sale vanne de merde. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé, Pietre? Explique aux gens. On était en train de faire les cons dehors et Julie qui nous prenait en photo. Je dis, ah, c'est marrant, on prend en photo. En fait, elle m'a pris en photo avec mon téléphone. Elle m'a fait 1800 photos. Et j'ai pas trouvé la combine pour les. Avec les Samsung, ils ont effacé tout en même temps. C'est tellement bien le Samsung. Oui, mais j'ai pris les seins de Steph en photo. Ah oui? Je les ai envoyés d'ailleurs. Oui, je les ai reçus d'ailleurs. Et je les ai tweetés. Non. C'est vrai? Stouff du Standard 6, j'ai tweeté. Mais non. Et j'ai envoyé à jacquiemichel.com. Et ils sont très intéressés, ils viennent tourner quand tu veux. Julie va bien? Oui, ça va bien. Ça va, mon Jérém? Il va très bien. Le reste de l'équipe, Bérénice, tout le monde va bien? En pleine forme. Vous aussi? Oui. Ouais. Ça va? Vous avez bien mangé des trucs improbables? On s'est bien posé, on s'est mis bien. Pris le soleil. Le soleil au Touquet, c'est quand même improbable. On a pris des couleurs alors qu'il faisait pas beau dans plein de régions de France. Je les ai emmenés dans le nord. Et dans le nord, il faisait beau. Il a fait beau. C'était bon, hein. Le toi dimanche. Aussi, oui, il y a du soleil chez moi aussi. Ouais, les gens, ils se moquent tout le temps et tout. Le clip de Zouglou, on est en train de le finir. Ça y est, là, on fait les derniers montages. Je pense que demain ou après-demain, on vous le met en ligne. Vous avez été nombreux à me le demander. On va le mettre. Vous inquiétez pas, ça y est, il arrive là. Il y a le toc-toc-toc avec Kev. Les inscriptions sont finies. Hein. Oui, ah oui. Entre aujourd'hui et jeudi, on verra. Je viens chez vous et je fais avec Kev Adams. Putain, c'est beau ça. Ouvrez-nous. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Non, mais je veux dire, soyez sympa, ne nous laissez pas à la porte. Soyez là. Soyez là, mais ça en théorie on a une équipe d'enquêteurs. Oui. on a des complices. C'est vrai. Qui fait qu'on sait que vous êtes là ou pas, vous doutez bien qu'on ne va pas se taper 300 bornes. Ah, mais il n'est pas là. Bon, on repart. Bon, bah tant pis. On laisse un mot, tu sais. On est venu, mais tu n'étais pas là. Quand est-ce qu'on a Maï Posner ? Demain. Ah, je me souviens, celui-là. Demain, Maï Posner est avec nous. Il était bien. Ouais. C'est vrai que c'était bien. Et on sait s'il nous fait une version. Version acoustique. On verra, on lui demandera. Faudrait mieux que ce soit comme ça, serait bien. Bah ouais, je préfère aussi. Ouais. F1 Drive, c'est quand alors? Merci Julie pour cette précision. Jeudi, t'as pas mis la note? Mais il est de retour, mon copain, en Belgique, il vient avec nous. Oui. Ritsa sera de retour quand on va aller à Walibi. Ça y est, alors. Et on va lui faire les manèges. Hein. Est-ce qu'on peut m'expliquer, puisque nous allons faire une émission spéciale dans 10 jours? Oui, le 24 juin. À Walibi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on offre des places aux gens? Parce que je suis submergé de gens qui me disent je vais aller à Walibi avec vous. On va en offrir à partir de la semaine prochaine. Merci, parce que on moi j'en ai. Un jeu à l'antenne. Moi je commençais à les vendre, j'ai mis à 15 euros. Je sais pas si c'est exagéré, mais je me suis fait un paquet de pognon pour l'instant. À partir de la semaine prochaine. J'en ai vendu 7 000. Bon. Écoutez-nous et vous pourrez repartir avec vos places pour. Et Énergie Belgique aussi. Énergie Belgique, on fait une mise à la Belgique qui nous écoute. On est numéro 1 là-bas tous les soirs. Et grâce sur les à réseaux vous. Sociaux aussi. Et sur les réseaux sociaux. Bah oui. Et sur les réseaux, comme dirait Julie. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Dès qu'il y a le double hit David Guetta, vous y serez dans le Carré Or pour le show du 6 juin. Et vous verrez le live le 6 de juin, David Guetta. C'est aujourd'hui le 6 juin. Oui, c'est le show du 18 juin. Du 9 juin. Écoutez, c'est en juin, m'emmerdez pas. C'est la veille des matchs, c'est la veille du premier match. Si vous me saoulez, je vous décale tout ça en juillet, ça va être vite vu. C'est l'ouverture de l'Euro 2016 à la Tour Eiffel, quoi. Ouais, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Et ça va être une tuerie. Dès qu'il y a le double hit David Guetta, 6, 11, 12 par SMS, ça peut tomber n'importe quand et peut-être ce soir. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 6 juin. Oui. Alors, amenez le micro dans le public puisque nous aurons un jeu public. Mais oui, pour commencer, 6 juin aujourd'hui, nous commémorons quoi? Personne n'aide. 6 juin. Non, toi, c'est toi la blonde. Pour voir si c'est une légende. 6 juin. De quelle année? Bah, 6 juin, il s'est passé un truc. Un 6 juin célèbre. Non, tu regardes pas sur Wikipédia, toi. Range ton téléphone. Alors? Je passe. Aucune idée. Bah, fais pas, passe. À côté, mademoiselle, le 6 juin. Je sais pas non plus. D'accord, derrière, on passe derrière. À toi. C'est le jour où ma mère, elle reçoit sa paye. Eh bien, nous commémorons le jour où sa mère reçoit sa paye. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la France a fait des commémorations, parce qu'ils se sont dit que c'est le jour où sa mère elle reçoit sa paye. C'est génial. C'est drôle, mais c'est pas ça. À côté, on a la même mère. Double commémoration, mademoiselle. Je sais pas. Génial. C'est dingue. Franchement, aucune idée. Oh là là, vous me faites très peur. Eh bien, il y a un monsieur derrière qui n'attend qu'une chose pour répondre. Attention, il laisse le petit pour le sport. Le petit pour le sport? Le petit, le 6 juin, ça te dit quoi? Je te passe le micro. Monsieur. Le grand. C'était le débarquement. Bravo, jeune homme. Le prénom? C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Maxime. Salut Maxime, repassez le micro devant vers mademoiselle blonde. Alors, le débarquement, mademoiselle, mais où? En Normandie. D'accord, et le 6 juin? Allez, on y va, on se lance. Quelle année? Ça commence par. Allez, on y va. 1900. Oui. Oui. À la louche. Il y a eu plein de films 39. Dessus. 39. Alors non, c'était. Ah, non, ils sont embarqués, mais de l'autre côté, en 39. Ouais. Non, c'était 44. Mais c'est pas grave. 40. Oui, c'est ça. Plus, j'ai eu un 44. Doute pendant deux secondes. Bon, allez, restez là dans un instant. Oui, alors j'en dis pas plus parce qu'on va faire un jeu public. Tout à l'heure, on va se faire un dossier sur le stress avant les examens parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont avoir les examens bientôt. On vous donnera deux, trois techniques pour que ça aille mieux, avec des témoignages, avec plein de gens qui ont fait plein de trucs. On aura le ils sont cool ou pas pour savoir si un restaurant ou un endroit ou un magasin, aujourd'hui sera un resto, qui a un nom très cool et très gentil, s'ils sont vraiment très cool ou pas. On aura l'appel de bâtard, on aura le défi Instagram de tout à l'heure. Soyez sur mon Insta, un Coé officiel, et puis ce sera Loris qui s'occupera de quelque chose. Et si tout va bien, on aura un gros dossier très chaud tout à l'heure. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. Mais très chaud. Oui. Très chaud. Et très de quelqu'un de très pas content. Mais non. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est tout. T'as vu, j'ai laissé planer un suspense. C'est ça. Merci d'être là tous les soirs sur Énergie. Je m'appelle Coé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et la chaleur est revenue. Voici Enrique Iglesias. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Quoi? Le soir sur Énergie, c'est cette équipe de tarés qui vous donne des conseils. On est mal, on est très mal. On est mal. On est très mal, patron. Koé, 19h, 22h sur Énergie. On est tous là sur Énergie. N'oubliez pas que l'on va vous réserver une surprise avec Front Drive pour les Front Drivers. Les Front Drive. Pour Kendall. Et je viens chez vous avec Kev Adams dans quelques jours. Hashtag Koé, Kev Adams. C'est quoi? Hashtag toc toc toc avec Koé, Kev Adams sur Énergie. Je crois que c'est ça. Truc tout le monde ouais. Fait un gros bisou à Mehdi, 21 ans. Hello Mehdi. Salut, ça va? Ça va mon gars, t'as 21 ans, t'habites où? J'habite vers Saint-Etienne. Tu sais que t'es le premier de la semaine, Mehdi. Hein. Bravo. Hein. Je sais. Et est-ce que tu savais que le 6 juin. C'est le jour de la paye de la maman des deux du premier rang, c'est important. Hein. J'ai entendu tout. Ah, mais il faut qu'on. C'est génial. Comment elle s'appelle ta maman? Elle s'appelle Akima. Aujourd'hui, on commémore Akima. Voilà, pour le jour de la paye, moi je suis heureux. Voilà, les gens ont gueulé parce qu'ils voulaient pas que Black M aille chanter pour la paye de leur maman. C'était ça le truc. C'est pas la même chose, t'es con toi. Bon, en tout cas, on fera un bisou à maman. Bon, toi tu nous as envoyé un mail. Bonjour toute la team, j'ai un gros problème. Ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, c'était la femme de ma vie. C'est vrai que vous avez une très belle photo, vous êtes beaux tous les deux. Ah oui, dis elle donc, est belle, hein. Couple. Tu me dis, nos familles ont été présentées, mais je ne l'aime plus et je veux la quitter. C'est vrai que tout ça dans la même phrase. Ah, merde, ça fait mais non. Ça fait une descente quand même. Hein. Pour moi, c'est clair. Et pourquoi tu veux la quitter? Ça fait depuis quelques mois, depuis le début d'année, en fait, que. J'ai plus trop de sentiments et puis en plus il y a 2 mois de ça j'ai rencontré une autre fille et puis Et tu veux qu'on s'en charge, on appelle la belle famille et tout si tu veux, on peut le faire hein. Ouais. Non, on a du tact. On a du tact pour ces choses-là généralement. Et t'es avec l'autre fille depuis le début de l'année? Avec l'autre fille, comment ça? Tu dis que t'as rencontré une autre fille, etc. Ouais, non, ça fait deux mois que j'ai rencontré, mais on n'est pas sortis ensemble. Hein. Monsieur était gentleman. Monsieur sent que son cœur dérive, mais attend d'avoir fait place nette. C'est bien. Voilà. Il y en a plus d'un qui aurait cumulé les deux. C'est vrai. Mais vous n'avez aucun engagement pour l'instant. Vous ne vivez pas ensemble. Ah, rien. Mais il y a les familles. Ils ont 21 ans. Les familles sont présentées et tout, c'est chaud, quoi. Mais vous avez que 21 ans. Je suis d'accord avec toi, mais je le mets à sa place. Quand tes familles sont présentées, que t'as fait un grand pas en avant, quoi. Eh ben, va dire après. Quand tu dis juste je ne l'aime plus, tu passes pour le salaud de oui, mais ma famille. T'en fous, tu la revois plus la famille. Ben voilà, mais après oui, par contre pour tes parents, tu la coiffes un peu comme ton ex, puis tu dis mais si c'est la même. Mais maman, tu ne la reconnais pas. Enfin. Moi mon premier chéri, franchement, j'avais été présentée à la famille, on est resté 2 ans ensemble, etc. Quand je vois comment tu dis au revoir à des assistants qui ont été là pendant des années, sans aucun souci, je me dis que ça ne te dérange pas de faire ce genre de truc. Non, je le fais très bien. Tu es dur. C'est pas vrai. Je le fais très bien. Mais du coup, je l'ai quitté en lui disant que je l'aimais plus, etc. Et je m'en fous, la famille, je l'ai plus jamais revue. Mais ta famille aurait pu mal réagir. Bah non, ma mère, elle était contente. Enfin, elle s'en fout du moment que tu fais le bon choix. Ta famille va te dire le principal, c'est que tu sois heureux. C'est pas vrai. Il y a des familles qui vont trouver cette nana géniale, qui vont dire je comprends pas que tu la laisses, elle était super. Oui, et la prochaine qui va arriver, ils vont la massacrer parce qu'ils préféraient l'autre. Il a que 21 ans, donc sa famille va lui dire t'es encore jeune, profite pas. Mon fils. En fait, c'est que même ma famille, elle lui est bien cette fille. Mais ils aimeront bien la prochaine aussi. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai connu des garçons qu'on a présentés à nos parents et on a changé. Moi j'ai connu des cas où il y avait séparation, ils se sont dit la prochaine on veut pas la voir et ils ont jamais voulu la voir. Je n'ai jamais vu ça non plus. Les amis, excusez-moi, c'est arrivé. Moi j'en ai eu plein, tu vois, que j'ai présenté à chaque fois. Je sais que t'en as eu plein, arrête de le répéter tout le temps. Ah encore ? Sa mère leur donnait des numéros. C'est pas vrai en plus. Mais du coup, à chaque fois que ma mère a rencontré un mes copains, et ben voilà, quand c'était terminé et elle jugeait pas. Et tu leur faisais des conventions de stage aussi ? J'ai un tout petit peu l'impression que toi t'avais la présentation facile. Il y a des gens pour qui une présentation c'est non. Plus officiel, c'est un peu plus sérieux. Oui, mais quand t'es jeune, tu sais que tu vas en voir passer pour le coup. Je dis pas comme toi. Pas forcément. Moi, toi demain, t'as ta fille ou ton fils qui te présente une nana et tu lui, elle est super sympa, super mais cool, machin, etc. Ça il dit que c'est voir. Terminé, tu vas lui dire je veux plus voir d'autres nanas. Non, tu vas dire c'est pas grave. T'as des familles pour qui, quand tu présentes, c'est un geste important. Ouais. Vaut mieux pas le faire que de le faire. Et t'as des familles qui te disent ne nous présente pas tout le monde, on veut juste quelqu'un. S'il l'aimait bien, ça faisait 3 ans. Tu crois que c'est la bonne, tu présentes, tu sais pas ce qui passe. Ah, mais tu connais pas sa famille. Si sa famille, elle est je ne sais quoi, pratiquante, dans les règles. Ils sont comment tes parents? Ils sont en mode cool ou en mode. Non, ça va, ils sont cool. Bon, tu t'en fous. Comment tu joues avec ça? Bah, c'est chaud, c'est dur, mais c'est comme ça. Quand t'aimes plus, t'aimes plus. Qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire qu'elle était malade. Tu vas pas te forcer à être malheureux. Tu dis qu'elle avait des mycoses. Tu dis c'était bizarre. C'était bizarre. Ouais. Non, mais tu vas pas te forcer à être malheureux avec une fille pour ta famille. Ah non, mais je cherche justement comment dire ça à ma famille et puis à elle aussi. L'autre jeune fille, elle veut. Tu peux y aller en douceur. Hein. Tu peux commencer à lâcher un petit scud à la famille quelques jours avant, disant si on s'entend plus très bien. C'est pas super en ce moment. Hop, tu le dis à ta mère, comme ça, que tu le sais très bien que ta mère, hop, elle va en parler au reste de la famille. Et tu dis qu'elle t'a trompé. Et oui, c'est ça, tu fais le mytho. Arrête. Bah après, j'en sais rien. Si, elle t'a trompé avec une équipe de foot. Voilà. Elle est folle amoureuse, elle. Ouais. C'est là que ça va être dur. Hein. Ah, c'est plus avec elle que ça va être dur. L'autre, il s'inquiète pour ses parents, mais il faut peut-être lui dire à elle aussi d'abord. J'ai dit comment on sait à mes parents et comment on sait alors, à elle aussi. Elle, la meilleure façon, la plus franche et la plus honnête, c'est le SMS. Non, alors ça c'est dégueulasse. Ne suis pas cet exemple. La solution la plus honnête et la plus franche, c'est je pars chercher un McDo et tu ne reviens jamais. C'est et tu jettes ton téléphone portable loin dans la salle. Regardez. Et tu manges la puce et tu l'avales. Et tu déménages et tu changes de nom. Les mecs n'ont pas de face. Tu ferais comment toi? Je dis en face moi. Mais toi, t'es pas de cœur. Je dis en face. Mais toi, je vois comment obligé. Tu agis, tu n'as pas de cœur. Ben non, c'est dur, hein. Franchement. Moi, ça... j'ai déjà vu des stagiaires ici pleurer, taper par terre en disant ne me laisse pas, madame. Ils avaient leurs ongles, il y en a encore, ils ont des ongles incrustés. Il a fallu que Julie les tirait par la sécu, ils les sortent ici. Et alors, mais tapait dans le ventre en leur disant rends ton badge. Rends ton badge, j'en ai chié. Mais non, mais ça. Vous me l'avez fait avaler hier, et ben rends-le. Mais non, mais ça prend le cœur de quitter quelqu'un, c'est hyper difficile, mais quand t'as pas le choix, tu le fais, hein, si t'as plus envie. Non mais Mehdi, je pense que c'est la meilleure solution, c'est Julie qui a raison. Ou le McDo. Mais bon, je pense y quand même. Ça marche avec Quick. Voilà. Et puis si jamais tu la recroises 4 ans après dans ta ville, tu fais je me suis perdu. Ouais. Ah, c'est cool, hein. Ils l'ont déplacé, j'étais paumé. Bah, j'avais puis comme un con, j'ai embarqué la PlayStation. Vous habitez dans une petite ville ou une grande ville? Pardon? Vous habitez dans une petite ville ou une grande ville tous les deux? Non, c'est assez grand quand même. Ah, alors ça va, parce que pire c'est quand t'habites dans une petite ville, hein, tu la recroises tous les jours. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, mais ça passe. Ouais, mais bon, ah, ça passe. En attendant, ça peut être psycho pendant quelques temps. Hein. Enfin bon, la nouvelle, attends un peu avant de la présenter à tes parents. Quoi. Attends 15 ouais, jours. Bah, attends déjà, lui rouler une petite pelle déjà, vois si ça marche. Parce elle que a envie bien, la nouvelle ou pas? Enfin, là, celle que t'as en visu. Bah, je sens que, ouais, je suis pas sûr, mais je sens que, ouais. Écoute, je ne sais pas comment sera la nouvelle, ouais, mais l'actuelle, elle est quand même très jolie. Ouais, hein. C'est vrai, tu sais pas ce que tu perds, ouais, là. Hein. On dit toujours que l'herbe, elle est plus verte dans le pré d'à côté, mais. Moi, ouais, je serais de droit, d'abord. Je brouterais un peu dans le pré d'à côté. Bah, oui. Oh non. Oui, bah si, pour pas partir pour rien. Non, imagine, après, tu la touches, elle a la peau granuleuse, elle a des. Non, mais même, il la quitte pas pour l'autre, il la quitte parce qu'il l'aime plus, donc il la quitte déjà. Déjà avant, il l'aimait plus. Voilà. Ouais, donc déjà, c'est plus facile. Si tu l'aimes plus, mon gars. Allez, vas-y. Allez, Mehdi, fais ton travail, bourreau. Vas-y, vas-y. Ouais. En plus, c'est l'été, là. En plus, c'est bien la coupure des vacances, ça va lui faire du bien de comme son ça, côté. Comme ça, elle va maigrir, elle va perdre 10 kilos en un mois, ça va lui faire du bien. Ouais. Et elle te remerciera. Voilà. Et elle sera super bonne sur la plage, elle t'enverra des photos, voilà. J'ai peut-être été con, là. Allez, je te fais un bisou, Mehdi. Mais fais-le avant l'été. Mais tiens-nous au courant, hein. Ok, pas de soucis. D'accord, à bientôt, en fait. Pourquoi fais-le avant l'été? Bah parce qu'il y a les vacances et tout. Ouais, si fais-le avant Noël, ça te coûtera moins cher. Ouais, déjà, ouais. Voilà, et mets-toi avec la suivante après Noël. Après, il y a toujours quelque chose sinon. Ouais, sinon, il y a toujours des fêtes. Il ne faut pas se faire ruiner de toute façon. Le principal, c'est d'éviter la Saint-Valentin. C'est ça. Tant que tu peux libérer avant et reprendre une autre après. T'as économisé. Voici Olivier Dion sur Énergie, j'espère que tout va bien. C'est quand les Trois Mousquetaires? Ça débarque quand? Mois de septembre, je crois. Oh non! C'est bien vite! Allez, bienvenue, bonne révision tout le monde, on parlera examen tout à l'heure. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie, on ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari. Sera debout, mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi, je veux voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meurt, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tout. Oh, On est sur énergie, tout le monde, ne bougez pas. Dans un instant, la suite, on s'occupera ce soir de football. Yeah. Puisque ça va être l'ouverture de l'Euro. Ouais, oui. Loris, tu aimes la football? Ah oui. Bien. Tu joues au football? Ah oui. Mais il casse tout. Ah bah on verra ça. Restez avec nous dans un instant pour la suite. On aura le. Qu'est-ce qu'on fera? On aura la belette bâtard. On aura le Hisson Kouloupa et du Devine qui sait spécial Roland. A tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. T'avais écouté l'émission, tu m'as dit avec Pierre Ninet? Ouais, François Civil et Igor Gottesman. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pour le film qui s'appelait Five. Five, ouais. T'étais allé voir le film du coup, toi? J'ai été le voir 4 fois. Ah ouais? Oh là là. Fallait aller ah ouais. Fallait voir 5 fois. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On NRG. Voici des clients ayant profité de toute l'expertise Ixina. J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Du début à la fin de notre projet cuisine, il a toujours été à nos côtés. Au revoir conseiller Ixina. Ixina. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Pendant ce temps chez Renault... Bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelles. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala en F-centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Buffon est battu. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Cultura. Le vrai problème des vacances, c'est la décompression brutale du temps. Aucun palier entre une année de travail assidue et une étendue de temps vide. Eh ben, c'est périlleux. La meilleure façon de s'adapter aux vacances, c'est de lire. Ben oui, lire, les livres, c'est un oxygène. Avec quelques bons livres, tous les risques de rater les vacances s'évanouissent. C'est vrai, Fabrice. Mais il y a aussi la musique, les films et plein d'activités chez Cultura pour agrémenter l'été. Cultura, l'esprit jubile. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis ce jour où j'ai pris la voiture pour aller chercher le pain. 2 ans que je regrette de m'être dit que j'avais pas besoin de ceinture. 2 ans que ma vie a basculé à 300 mètres de chez moi. 2 ans que mon fils aîné fait mes lacets, que son petit frère m'aide à manger et que ma femme s'occupe du reste. Tout le reste. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés, tous responsables. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Toll sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il m'a proposé une seconde paire avec des verres solaires à ma vue. C'est vraiment utile. Et moi, j'hésitais entre 2 montures de marque. À ce prix-là, j'ai pris les 2. Eh oui, en ce moment chez Atoll les opticiens, quelle que soit votre vue, votre 2e paire est à moitié prix. Même avec un traitement sur vos verres et avec une monture de marque. Les lunettes, c'est votre look et surtout votre confort visuel. Dispositif médical offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprise qui simplifient l'activité des pros. Avec EDF Entreprise, en cas de fuite d'eau ou de panne d'électricité, vous pouvez compter sur un dépannage rapide. Que vous soyez un professionnel ou une PME, avec les services assistance dépannage d'EDF Entreprise, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps. Conditions de l'offre sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Christine, up and up. Up and up. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say Roland Garros un petit peu avant qu'on attaque. Pas du tout. Bon, alors qui a gagné? Djoko, non? Ouais, c'est Novak Djokovic qui a remporté le tournoi de Roland Garros. Chez les femmes, c'est Garbine Muguruza. Ouais. Muguruza. Et Caroline Garcia et Christina Maganin ont remporté le double dame. Ouais, les deux françaises. Et on a un français un junior numéro 1 en double aussi. Ouais, ouais. Et puis on a un mec en junior. C'est-à-dire qu'on a tellement pas de mecs qui gagnent en normal qu'on va les chercher en junior. Ouais, les mecs bientôt, les mecs diront en maternelle, il y a eu un gagnant là, le petit Kevin. C'est un français. Non, mais c'est fort quand même. Alors, bon, donc on est d'accord, nous c'est toujours la même lose. Hein. Bah, oui. On n'a pas eu un prix. Mais rien, mon gars. On a eu que dalle. On a eu. Mais oui, Tsonga, il s'en fout. Hein. Tsonga, lui, il a déclaré... Ouf, il reste un Kinder Bueno. Oh, je veux dire, c'est le principal. Appelez-moi de la Rolande et dans un instant, je lance le défi book de Loris. Que l'on va faire sur Instagram, Koé officiel. Continuez de me suivre sur Insta. J'ai mis plein de photos de ce week-end. Très belle photo sur la plage où on saute. Ouais, canon. On a l'impression qu'on saute à 10 mètres alors que c'est ridicule, on est à 40 cm. Mais non, la magie. Oui, pardon, on saute à 10 mètres réellement, bien sûr. Oui. Allô. Allô. Allô, Rolande. Allô? Oh là là. Allô? Non, elle est partie. Elle est partie, là, on a une. La Rolande n'est pas très sympathique. On a une Rolande Express. Je rappelle le principe du devine qui c'est. Si vous venez de nous rejoindre et vous n'êtes pas au courant, on appelle quelqu'un, on lui dit devine qui c'est, jusqu'à ce qu'elle nous prenne pour quelqu'un d'autre. Et ça arrive souvent. Ou des fois, vraiment, ils n'ont pas d'imagination et ils disent tout de suite. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, devine qui c'est? Bah, non. Ah bah. Enfin, j'appelle pour dire bonjour. Devine qui ça peut être. Bon, on se connaît bien. Alors là, tu me reconnais pas? Bah non, non. Bah, t'as pas cherché? Hein? T'as pas cherché? Bah si, mais... Ah non, t'as pas cherché, t'as dit non, non. Qui c'est que ça peut être? La famille. De la famille? Mais oui! Putain, je vois pas du tout, vas-y. Bah non, t'as pas cherché. Allez, vas-y, dis-moi ton nom. Ah bah non, si je te dis ton nom, tu dis « viens plus, qui c'est ?» Ça marche plus. Hein? Bah non, si je te dis qui c'est, ça marche plus. Enfin, la famille, tu m'en connais pas? Ah non, non. Ah non? T'as pas envie de jouer? Non. Pourquoi? Bah parce que je sais pas. Bah oui, mais tu joues alors. Bon, alors écoute-moi, c'est simple. Ouais. Tu me dis ton nom, sinon tu vas prendre une engueulade. Alors écoute-moi bien, déjà tu me parles pas comme ça. Bon. Déjà, tu me parles pas comme ça. C'est quoi ces conneries là? Ah, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me dis ton nom, puis c'est tout, point final. Si je te dis mon nom, ça sert à rien de le deviner. Vas-y, engueule-moi. Allô? Oh non! Ah non, oh, l'engueulade, on a fait l'engueulade. Ah, il va pas engueuler. Rappelle-le vite. Urgence, engueulade. L'engueulade. Ah oui, engueule-moi. Bien quand tu m'engueules. Sois méchant. J'étais vilain. Il va m'engueuler. Oui, décroche plus là. Sinon, je vais t'engueuler, c'est marrant. Alors, sinon, tu vas avoir l'engueulade. Je croyais qu'il allait dire raccroché, non? Ah, il rappelle, ça y est, décroche plus. Ah, merde. C'est mort. Oh là là. Non, mais là, il entend le téléphone sonner, ça le rend dingue. Là, on est en train de... Ah, ben là, on est en train de lui pourrir monnaie drop, là. Et je vais te dire, quand il est en train de... Quand quelqu'un, tu lui pourris monnaie drop, il peut très très mal le prendre. Oh, c'est dommage, on était chez fini. Roland. Ah, il décroche pas. Tant pis, hein, faut pas insister là, hein, c'est mort. Ah, ouh. On est sur un fax. Il est mort là. C'est bon numéro ? Ou c'est son cœur qui s'est arrêté ? Ouais. Oui, c'est le numéro. Refais-le une fois. Juste une fois. Tu vois, Pierre, il a raison. C'est la troisième fois qu'il insister. Gégé, il y croit pas. Mais il y croit pas du tout. Non, j'y crois pas. Dis-toi que si il décroche là, c'est là l'engueulade. C'est direct engueulade. Ah, bah là, oui, parce qu'il en peut plus. Ouais. Il a pas eu la bonne réponse. Allez. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ! Bah, il a pas deviné qui c'était ! Mais vous êtes qui, monsieur ? Eh bah, devine qui c'est ! Hein ? C'est la famille ! Devine qui c'est ! La famille ! Mais oui ! C'est... Bon, faut pas deviner deux heures, hein ! Bah, t'as même pas essayé deux minutes ! C'est... Alors ? Oh, Roland, t'es chiante ! Mais je sais pas, je vois pas qui c'est, moi. Bah oui, bah enfin, tu t'essaies pas de trouver, aussi. Qui ça peut être ? T'emmerdes. Oh, insulte. J'arrête l'émission. Oh là là. J'arrête l'émission, c'est trop pour moi. T'emmerdes. Lundi, 6 juin, 19h33, je me suis pris un « je t'emmerde ». Ah ouais. Première insulte de la semaine. C'était pris un tacle, là. Bien violent, en plus. Ah, ça démarre bien. Merci beaucoup, bienvenue. Voici Théo, j'adore ce son. J'ai écouté tout le week-end, je ne m'en lasse pas. Et le clip Zouglou, ça n'a rien à voir, mais il va arriver dans quelques jours. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Oh, God. Coé, 19h-22h sur Énergie. On est là. Toute l'équipe est là sur Énergie. Je m'appelle Coé. À tout le monde, merci de nous avoir choisis. N'oubliez pas que Mike Posner sera notre invité de demain. Mais pour l'instant, allez, je vais lancer le défi Facebook quand même. On le fait sur Instagram. Allez, ouais. Sur Instagram. Loris, viens faire une photo. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une photo de toi. Bonjour. Ce soir. Ça fait longtemps, on a passé le week-end ensemble. Ouais, ouais, mais une photo sur Insta. En mode footballeur, regard intelligent. Attends, tu passes bientôt les 500 000 fans sur Instagram. Hein. Ah, c'est bien. Mais je m'y suis mis trop tard. Ah, on s'est mis tard, ouais. Je sais, j'ai raté le truc. Mais bon, là, il y a Snap aussi, là. Snap, gros carton quand on fait un petit truc, il y a 70 000 personnes qui voient les petites vidéos et tout. Koyoff, si vous voulez me suivre sur Insta, alors attendez, je vais faire une petite vidéo. Je vais voir sur Snap, tiens. Hop, bim. Comment je fais pour faire une photo? C'est l'appareil l'icône d'appareil photo en fait. Ouais, c'est compliqué. Bon, je vais faire une photo. Je la touche pas le truc. Ah, j'ai encore des zizi sur Snap. Oh. Regardez. Après, je fais quoi? Je suis trop contente. Bon, on verra ça après. Ça, c'est dégueu. Julie, ça te dérange pas qu'on travaille? Excusez-moi, tu vas sur Snap. Non, mais tu feras ton marché sur le Bon Coin rubrique Zizi plus tard. C'est dégoûtant. Honnêtement, si Julie a une rubrique à elle avec un code. Pour ce soir, on se dit que comme l'Euro 2016 approche à grands pas, et dès qu'il a un ballon entre les pieds, Loris devient dangereux, il tape dans tous les coins. On a vu ça au bureau cet après-midi. À 8000 likes, on envoie Loris avec un mini but de foot et un ballon joué partout où on n'a pas le droit de jouer au ballon. Ah ouais. Vous avez vu les petites cages là? Ouais, que tu jettes et ça se tu jettes la cage, comme une tente quechua. Ça s'ouvre et Loris, paf, tu shootes. Commissariat? Alors ça, c'est. Chanté, mais à la fin. Bus, métro, magasin. Ouais, magasin, genre les Fnac, les trucs comme ça, là. Tu shootes les iPads et tout. Et tu shootes, D'accord, ça serait bien, non? Je suis pas chaud, mais oui. Restaurant. Allez, je vais mettre la photo sur Instagram à 8000 likes. Pépère, il ira faire un truc, il le fera ce soir. On verra où, demain. Ça demain dépend. Allez, on y va. En tout cas, à 8000 likes, il le fait. Dès qu'il y a la double hit, David Guetta, vous gagnez vos places, vos invites. Le transport, l'hébergement, ça va tomber ce soir. Pour être carré or et voir et le rencontrer, David Guetta. Jérôme, 26 ans, ouais, Douai. Ouais, ouais. Comment ça va, Jérôme? Ouais. Ça va être un Coué. Oui, ça va bien. Le week-end était comment à Douai? Pluvieux. Alors, Côte-Ouquet. Il a fait un petit temps, mon ami. Dimanche, ouais. Samedi. T'as eu de la pluie samedi? Non. Alors ferme bien ta gueule. D'accord? Parce que là, il j'avais en va des de. Trucs dans mes lunettes de soleil, il pleuvait pas, mais j'avais quand même de l'eau sur les lunettes de soleil. Là, il en va de l'audience. Je crois. Je vais te frapper. Avec tous les gens du Nord, on va te frapper. Il condense là-bas. Condense. Tu nous as envoyé un mail à qui on va faire l'appel de bâtard? C'est un pote à moi en fait qui intéresse pas de parler sur mon dos en fait. Et j'ai appris ça par un autre pote en fait qui m'a appelé, qui m'a dit en fait quand je suis pas là, il parle pas avec sur moi, quoi, donc j'aimerais mettre les choses au clair. C'est vrai que tu parles, que t'as tendance à manger les mots, je sais pas si c'est peut-être l'heure, mais tu bouffes les mots. Il mange sur toi, il parle sur toi, il fait quoi? J'ai rien compris. Il mange sur toi. Parle sur moi en fait. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'en fait que je suis gros, que je suis moche et qu'en fait je trouverai jamais de copine. Et c'est vrai. Voilà. T'es gros, ouais. T'es moche ou? J'ai un peu de bidon, mais après voilà, moche, je pense qu'il est pire que moi. T'es lequel avec sur la photo? T'as la chemise bleue ou t'as le gros manteau? J'ai une chemise bleue. Ouais, non, moche un peu quand même, hein. Montre. Non, je déconne. C'est horrible ce que tu fais. Non, il a une tête normale. Bon, mon pote, on y va, tu l'appelles. Si jamais t'arrives à lui faire dire en moins de 2 minutes ce qu'il dit sur toi, qu'est-ce qu'il gagne, Julie? Une tablette. Ou une. je sais pas ce qu'elle a. C'est dur à dire une tablette. Mais il n'y a pas un j'ai truc. J'ai un accent espagnol ce soir. Il y a pas un truc qu'elle a dit juste depuis le début d'émission. Il y a quoi à gagner? Une tablette. Une tablette. On y va, on appelle. Sois bon, Jérôme. Je ne m'en remets pas du week-end. Non, en fait. Courage et bonne chance. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. T'es pas moche, t'es pas drôle. Oui, allô? Ouais, Jojo? Ouais, Jojo? Ouais. Ouais, c'est moi, écoute. C'est moi, je dois te parler parce qu'en fait, il y a Franck qui vient de m'appeler. Et en fait, ce qui paraît, il y a Franck. Allô? Allô? Allô? Ouais, je t'entends mal. Allô? Problème, problème technique, nous rappelons. T'étais à côté de lui ou quoi? Non, il est en train de travailler, moi je suis chez moi. D'accord. On y va, c'est parti. Peut-être la ligne. Non. On y va. C'est parti, viens toi. Ouais. Ouais, tu m'entends là? Ouais. Un petit peu léger. Ouais, écoute, il y a Franck qui vient de m'appeler. Ah, je t'entends pas. Putain, mais sur de portable. Aïe, aïe, Ah là, les amis, je pense que c'est la ligne 8 qui merde. Ouais, vous n'avez pas fait une autre ligne. Vous avez fait la mise à jour Windows 10 ou quoi là? Non, mais attends, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. La ligne 7 avant, donc je suis pas sûr que c'est ça. Mais c'est le téléphone de ton pote. Mais 7 et 8, elles sont à côté, donc il faut prendre une autre ligne. Mais quand on appelle le copain. Ça arrive des fois, ça. T'es là, Jérôme? Ouais, je suis là. Dernier essai. Hey, ça va pas tout merder en lundi, là. Lundi. On y va. Ouh, les filles, tribunal populaire. Eh, les filles, là-bas. Un double. Vous êtes deux. On y retourne. Appelle le copain. Peut-être. Non mais on foutait de ma gueule ou quoi là? Mais l'autre il passe sous un bus. C'est ouais, tiens. Mais il a son haut-parleur. Non mais sans déconner, l'autre on lui dit coupe ton haut-parleur. Après s'il conduit, bon il est. Mais je m'en fous, qu'il s'arrête. Mais t'as vu le bruit? Je crois que le mec il a acheté des CD de bruitage. Alors qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre tout en même temps. Alors une vache qui passe. Je vais mettre une vache qui passe. Une soucoupe volante. Je vais mettre une soucoupe volante. Il a même pas envie de t'entendre, Jérôme. Jérôme, c'est la dernière fois. Je te jure, il m'a fatigué ton copain. Je sais pas si il te crache dessus, mais il mériterait qu'on dise du mal de lui dans son dos. Oh, on y retourne. Dis-lui dès le début, coupe ton haut-parleur. Ouais, allô, ouais. Tu peux pas te garer 2 minutes, là? Juste 2 minutes. Ouais, alors. Bah si, garde-toi 2 minutes, t'as plus ouais, ouais, bah, pas pour secondes, parce que là, je suis sur une route nationale. Hein? Je suis sur une route nationale. Bah, garde-toi 2 minutes, t'as l'air. Ouais, parce que l'autoroute, t'as raison. Oh merde, et vous me faites chier les deux. Allez, à bientôt. Allez, c'est bon. Je m'écoute. Non, mais c'est la radio. C'est la radio. Ouais, c'est bon. Il écoute la radio. Allez, c'est bon. Mais c'est bon. Vous m'avez saoulé. Allez, c'est lundi. Vous m'avez saoulé. L'autre avec ses livraisons, sa nationale, ses trains qui passent, qu'il aille se faire foutre. Allez, c'est bon. On va passer la soirée. Il a dit du mal de toi. Et ben voilà, il a dit que t'étais un gros con. Et il a dit. S'il l'a pas dit, il a raccroché. Vous avez pas démarré. Il écoutait la radio. Oh non, mais bien sûr qu'il écoutait la radio. C'est pas son haut-parleur. C'était un truc, c'est bidonné le business. Donc ça m'énerve. Voilà, déjà. Pour on va se détendre parce que là les arnaqueurs du lundi vous n'avez pas commencé hein. Je vous préviens hein, c'est-à-dire je prends la tablette je vous dis pas où je vais vous la mettre mais il y aura que le câble qui dépassera et c'est pas une tablette mini alors et je peux vous dire hein. C'est le nouvel iPad hein, c'est de la grande c'est de l'écran géant mais moi du Zougoulou ça va me détendre. Zougoulé 19h-22h sur Énergie. On est là. Oh, yé papa, Redouane Bouguéraba. Yé maman, Tony Saint-Laurent. Yé bébé, c'est Koé. Ce son, c'est pour tous les chanteurs disparus des tubes de l'été. Tragédie. Colonel Réal. La Rousseau, tu m'oublieras. On l'a oublié dès le premier refrain. Direct. Bougez les fesses de droite à gauche. Sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. Fatoumata et Tamaté, est-ce que tu m'entends? Et bouger les fesses de droite à gauche. Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. Y'a calélo, y'a calélo. Assis, patapat. C'est pour les papi chulo et les mamies Diallo. Et pour tous les gros qui boivent du coca zéro. Mets-moi un mojito, c'est 25 euros. Mets-moi une Antalo, c'est 24,90. On va aller boire l'eau du robinet. Wangele, wangele, waouh. Bouger les fesses de droite à gauche. Sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. Dance, soca dance, Macarena. Tu t'es mis au régime en dansant la Zumba. T'as fini au camping manger de la pizza. Je vais pourrir ton été. Tu vas l'entendre 1000 fois. On va être plus rediffusé que Cyril Hanouna. Mais t'es un fou là mon numéro. Mais vous êtes des malades. Bouger les fesses de droite à gauche. Sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. Sous le soleil des tropiques. Vas-y Francky, c'est princesse, danse sous la table. Tous les hindous, danse de la rose. Écoute, on connaît ces techniques en soirée pour les... Tu avances vers la petite, tu attrapes la petite. Hey, courez la petite, courez la petite, courez la petite, courez la petite. Courez, courez, courez la petite, courez, courez, courez la petite. Courez la petite, courez la petite, courez la petite, courez la petite. Non mais lâche-la la petite. Bougez, les fesses de droite à gauche. Sougoulou, sougoulou, bourrez, t'attrapes que des poches. Tu vois, sougoulou, sougoulou, mytho, t'as rien dans les poches. Chaque sougoulou, sougoulou, Saka, Africa, on va tomber la chemise. Sougoulou à gauche. Et la vie. Le clip arrive, il est claqué mon chip. Wow, il est claqué ton chip. Je sais, Jennifer dans deux minutes sera là, ne bougez pas. Vous tous au téléphone 0800 70 42 48. Tout à l'heure on aura un gros dossier sur comment se déstresser avant les examens. Comment se détendre, il y en a qui vont passer le brevet, il y en a qui vont s'occuper du baccalauréat. On se fera un dossier là-dessus et on aura un dossier genre très sexe. Je le vends sûrement pas parce qu'on attend jusqu'au dernier moment. J'espère qu'il répondra. Ouais, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. Vos grands-parents sont bizarres, ils font des choses surprenantes, vous pouvez nous appeler. Oriane, tu veux nous parler de ta grand-mère ? Ma grand-mère, moi, elle mangeait des crabes et elle mangeait la carcasse des crabes en même temps. Elle avait une dentition de ouf. C'est étrange. Le problème, c'est pas la dentition, c'est l'idée de le faire. À quel moment, en fait, dans sa vie, elle s'est dit tiens, je vais manger le crabe ? Elle était gourmande. Elle fait partie des gens qui, lorsque tu manges le babybel, tu regardes le truc rouge et tu fais tiens, si je goûtais. Rendez-vous demain, 6h-9h30, sur Énergie. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre les rayons du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. On venait d'avoir le bac. Sans mention, mais bon. On s'en foutait, on était libre. La vie débutait. On a pris la route pour le week-end. On était 6 dans la voiture. 6 dans ma 5 places à déconner. Mais on n'était que 2 à avoir notre ceinture. Et aujourd'hui, on n'est que 2 encore en vie. Enfin, en vie. C'est pas la vie qu'on espérait. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés, tous responsables. Je viens d'avoir 40 ans, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Je me suis même fait percer. Où ça ? Ah non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym... Ah ouais ! La Ford Fiesta aussi a 40 ans, et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync Bluetooth et navigation, est à 149 euros par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 euros, puis 47 loyers de 149 euros par mois, coût total si achat 14 494 euros. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. Soch présente. Et tu sais quoi ? Je suis pas chez Soch. Oh mince, je suis pas chez Soch. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive ? T'arrives à le dire d'habitude ? Non mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super ! J'ai passé chez Soch. Oh mince, oh ! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soch promo. Soch ! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soch.fr. Leclerc. Juliette.

Wally Bibi, j'en suis baba. Ah ouais, vas-y, bon, bah, en tout cas, c'est une tuerie, paraît-il. Jennifer, 23 ans, ça va ma chérie? Oui, ça va, et vous? Mais ouais, t'habites où? Je suis super contente. Oh, bah c'est gentil, mais moi aussi, je suis super content que tu sois super contente. Longtemps qu'on t'a pas entendu, Jennifer, sur l'énergie. Je suis super content, alors. C'est pas la chanteuse. Ah, pardon. C'est une auditrice. Vas-y, de quoi on parle dans un instant, Jennifer? Alors, je voulais savoir, je travaille dans un grand magasin de sport, je suis conseillère de vente, ouais. Et je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous me conseillez. En fait, j'ai craqué sur un collègue de travail, mais qui se trouve être aussi mon chef de rayon. Oh là là! On en parle dans un instant. Ne bouge pas, ma chérie, ne bouge pas. Juste après Charlie Puth et Selena Gomez, je kiffe ce morceau. Koï, 19h-22h. Sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? En public de toute la bande FM, 20h tout pile. J'espère que tout va bien, on est lundi. On va vous aider à réviser, surtout tout à l'heure, on va vous aider à vous détendre avant les examens. Julie est en transe sur ce sujet. Ah non, arrête, j'adore pas ça. L'idée. Bah si. Elle est venue me filer un bouquin en disant « Regarde, ça tombe pile poil, il y a un sondage !» Mais non, mais parce que moi j'ai reçu ce magazine aujourd'hui, en voyant là le sujet qui passe, je trouve que ça se colle avec. C'est quoi le sujet? Non, tu l'as fait. L'amour au travail. Tu l'as fait le test. Tu m'as dit c'est improbable. Oui, j'ai fait ça aujourd'hui, mais j'ai dit c'est improbable. Alors, parce que. On va commencer par Jennifer. On parle du test après. Jennifer, en deux mots, tu bosses dans un truc de sport. Voilà. Déjà, on ne se rencontrera jamais. Non, rien. Et t'es tombée. Et donc, t'as envie de te taper ton chef. Bah voilà. Mais t'es amoureuse ou c'est un... Oui, bah tous les deux en fait, parce qu'il y a beaucoup de jazz, beaucoup de regards échangés, des frôlements, des petits sourires. Enfin, je veux dire, ça peut être une belle aventure, c'est pas qu'un délire sexuel, c'est ça que je voulais savoir. Bah c'est plus quand même. Ça sert à rien en fait, si. Ouais, tu sais pas. Plus physique quoi. D'accord. Mais ouais. Est-ce que vous êtes en couple chacun de votre côté ou vous êtes libre? Non. Quoi, non. Vous êtes libre? Vous êtes libre? Oui, on est libre. Et bah alors, alors la cabine d'essayage, bam bam bam bam. Le patron, pas le chef de service. Demain, elle a plus envie. Elle lui dit stop, il va la saquer, il va lui faire l'enfer. C'est ça. Et ben, elle c'est porte plainte pour harcèlement après. Mais ça marche pas comme ça. C'est horrible. Mais t'es malade. Mais non, mais ça va être beaucoup en ce moment. Hein. Ça va être l'enfer. Et à l'inverse, si non, non, mais c'est. Moi, je pense que. Moi, j'ai une grande théorie. Je dis no job in job. Je trouve qu'il faut pas faire ça dans le boulot, dans le machin, dans le truc. Ah, mais la ça t'est jamais arrivé. Ah, Julie, elle lit un magazine, ça s'appelle Zobin Job, elle, par contre. C'est... Bon, c'est tu me le fais ton sondage là? Mais non, mais on l'a fait cet après-midi en fait, et en fait, c'est pour calculer le nombre de relations sexuelles théoriques qui ont lieu sur votre entreprise. Alors, ceux qui nous écoutent et qui sont en volant, faites-le de tête. Combien? Il faut faire le nombre de salariés. Il y en a combien à énergie? 750. En moyenne. Il y en a combien de jolies? Ah, bah, 12, 13. Non, il y a du lourd, énergie, c'est bien. Multiplié par la moyenne de l'ancienneté. C'est compliqué. Hein. On est là depuis combien de temps? C'est quoi la moyenne de l'ancienneté? Tu prends chaque personne, combien de temps elles sont là, et puis tu fais une moyenne. Donc, la moyenne de l'ancienneté des gens, la nôtre. Non, de tout le monde. Tous les employés. Donc, t'en as qui sont là depuis 6 mois, depuis 30 ans, depuis 20 ans. Donc, on a estimé à peu près à 12 ans. Les gens depuis 30 ans à énergie, je suis pas sûr qu'il y en ait qui tiennent beaucoup aussi longtemps. Mais les gens à 12, la moyenne à 12 ans, mais c'est trop malade. Non, 5 ans, moi je dirais. Ouais, moi j'aurais dit 5 ou 6. Mais les gens, il y a des gens qui sont là depuis 40 ans, les gars. Hein? Mais bien sûr que si. Mais la radio, elle a été créée il y a moins que ça. Ou est-ce que t'as vu qu'ils sont là depuis 40 ans? Non, j'exagère. Mais les mecs, ils étaient là. L'immeuble s'est construit autour d'eux. Et ils sont pas bougés. Ils sont là au moins depuis 20 ans. Oui, 20 ans, oui, il y en a. Donc la moyenne de l'ancienneté, tu mets 6. Beaucoup, hein. Je mettrais 8. Je mettrais 8 entre les petits jeunes qui arrivent et ceux que moi, je mettrais 6 ans. Donc 750 multiplié par 6. Allez, vas-y, de tête. D'accord. Et ensuite, tu divises par. Ça fait 4500. Ensuite, tu divises par 7. Là, je le prends avec la calculatrice. 4500 divisé par 7. Allez, Julie. Je sais pas pourquoi. Et après, tu redivises par 2. Allez. Du coup, ça fait 321 personnes sur 750 ici qui ont des relations sexuelles. Bon, c'est pas possible. Dans le travail, t'es en train de me dire que sur 750 personnes à énergie, il y en a 321 qui ont des relations entre elles. Une personne sur deux nique ici. Ouais, c'est pas possible. Mais avec tes collègues. Bah oui, avec tes collègues. Julie, balance des noms alors. Ah non, j'en connais pas. Oh, arrête, on en connaît plein. Mais arrête, on en connaît plein. Oui, on en connaît plein, mais. Ouais, mais pas si froid là. Si mais non, mais c'est chelou. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis pas que c'est. Voilà. Bah, c'est... Ça veut dire que la moitié de la boîte nique avec c'est les gens de la boîte. Nombre de relations sexuelles hypothétiques. Donc. Mais non, c'est ton sondage, il est pourri. Moi, je te fais des formules. Ça fait une sur deux. En vrai, c'est une sur 30. Et on l'a fait, attends, pour BioWare. BioWare, c'est la société, si vous ne connaissez pas, qui produit l'émission. Non, pour l'équipe. On est à peu près 15. Ouais. D'accord. Ancienneté, on a quoi? Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 8, allez, non, vas-y. Fait 6, 5, ça fait 5 ans. Bon, allez, vas-y, 5. D'accord. Divisé par 7, divisé par 2, ça fait 5. 5 personnes de l'équipe sur 15. Sur 15. Impossible. Mais c'est pas 5 possible. Personnes de l'équipe. Moi, avec Pietre, est-ce que ça compte? Ouais. Ça compte pas, c'est entre copains. Non. Mais moi, j'ai une photo dessin de Stouff dans mon téléphone. Est-ce que ça compte? Ça compte. Elle a pris elle-même. Jennifer, est-ce que ça te gêne à ce point-là d'avoir un truc avec lui? Bah non, pas spécialement justement, mais c'est le après quoi, si ça marchait pas. C'est qu'il y a t'as 90% de chances que ce soit la merde au bureau. Voilà, c'est ça. C'est un côté super excitant, mais il a raison, vaut mieux éviter. Ouais. Ou alors juste flirter, mais quand on s'engage à rien du tout. Mais de toute façon, tu t'engages à rien, c'est pas parce que tu lui roules deux pelles et que tu fais des couches. Ou alors vous mettez d'accord dès le départ que c'est juste du sexe. Ouais, mais ça ne marche pas. Il y en a un des deux qui tombe amoureux, c'est mort. Et quand tu lui dis je ne veux plus, et bah bim, il te sac. Mais amoureux. Mais il y en a combien des gens qui se sont connus sur leur lieu de travail et qui ont une belle histoire aujourd'hui? Oui, il y en a combien qui ça s'est mal passé, ils se parlent plus et c'est l'enfer. Bah moi je suis désolée, j'ai eu des relations sur mon lieu de travail, tout le monde le sait. Et pour le coup, il y a longtemps. Et du coup, je suis restée très bonne amie avec les personnes et ça se passait bien. Mais toi, t'es non, mais vous le connaissez en plus. Ah, c'est tout le 6ème et tout le 5ème étage. Bon. Et, elle, et je sais qu'à chaque fois qu'elle y va, elle check tout le monde. Elle est de barrer ses bonnes. Check, check, Julie, check. Dans une salut 22, salut 19. Elle ouais, les appelle par voilà. Les numéros de Zizi. Non, hein, c'est les pailles. J'étais dans une autre radio et c'était que un plan sexe. Et ça se passait très bien et on s'engueulait pas et il n'y avait pas de problème. Et on travaillait ensemble. Tôt ou tard, même quand c'est que du plan sexe, il y a une prise de tête. Tu m'as pas appelé. Et on n'est jamais tombé amoureux. J'ai attendu ton coup de fil. T'as m'a pas appelé. Tu me prends vraiment pour un con. C'est des prises de tête. Après, c'est normal. C'est juste normal. Moi, je pense que Jennifer ne le fait pas. Il y a quand même assez de monde et assez de mecs sur cette terre pour aller te faire le mec avec qui tu bosses. Ouais, mais dans la réserve, d'un côté excitant dans la réserve. Tu vas voir, et quand c'est fini et que tu te fais gauler, tu vas voir le côté excitant quand tu t'embrouilles. Moi, je pense que. Dis donc, il y a une tache sur mon jogging Adidas, là. Jennifer, moi je suis la voix de la raison. Il y a un SMS qui vient de tomber qui dit: quelle chaudasse cette Julie. Ouais. Mais genre, toi, tu l'as jamais fait sur ton lieu de travail. Genre, personne autour de cette table ne l'a jamais fait sur son lieu de travail. Non. Arrêtez, non, les gars. Non, on va arrêter. Il n'y en a pas un d'innocent dans l'histoire. Peut-être Guéguette. C'est deux anges. Il n'y a que Guéguette d'innocent. Avec des collègues, vous parlez là. Jamais. Mais avec des collègues, jamais. Toi, tais-toi. Avec des collègues, jamais. Non, moi, jamais. Stéphanie, avec Jérémy, on s'est roulé une pelle. Stéphanie, déjà fait avec des collègues. Bah oui. Ah oui, bah oui. C'est qui? T'es coquine, toi. Mais c'est vrai que Julie, elle avait le côté droit de l'étage, Stéphanie, elle avait de l'autre côté. J'ai le côté gauche. C'est partagé. Ouais. Bon, hey, Jennifer, mon conseil à moi, ne le fais pas. D'accord. Ah, pas ouais. Bien, pas bien. Source en merde. Et vous qui nous écoutez, évitez de le faire aussi. Je te fais un bisou, ma Jennifer. Merci, gros bisous à tous. Bisous, restez là dans un instant. On s'occupera de vous donner des trucs pour que vous soyez. On fera un dossier spécial détente. Oui. Spécial stress. No stress. On aura le ils sont cool ou pas tout à l'heure. Et là, on aura le jeu du public sur le débarquement. Restez avec nous sur NRJ. Aussi, Calvin Harris, we get. On a 3600 likes. Allez vite, encore 5000. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter le soir sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. Merci de nous avoir choisi sur Énergie, F-Run Drive. Hey, c'est mercredi. Vous nous l'aviez demandé, et ben vous l'aurez mercredi. C'est tout. Ça s'appelle Kendall. Ouais. C'est bien, non? C'est vrai? Pardon, excuse-moi. Jérémy me disait que son mon fils est fan de ça. Bah ouais. Mais c'est une série qui passe en série, ouais. Sur Gulli, ouais. Et bah, il sera notre invité. Voilà, c'est tout. Attention, c'est le moment d'avoir le ils sont cool ou pas. Alors qu'on aura du super jeu tout à l'heure, je rappelle que Loris ira jouer au foot partout, dans la rue, dans les restos, dans le métro, mais surtout dans les endroits où c'est interdit. Oui. Si on arrive à 8000 likes. Ouais, là on arrive à 5000. Oh, ça va aller. C'est le retour des gardes à vue, alors on se dit. Ça pue, ouais. Et ils vont te recevoir et vont dire Monsieur Loris, ça fait bien longtemps, votre cellule est là, allez à vous. On appelle un restaurant. Alors, vous avez tous déjà vu dans une ville les restaurants au bon accueil. Ouais. Il y a toujours des trucs comme ça, le au bon accueil. C'est vrai. C'est toujours, c'est un peu partout. Et alors, est-ce que ils sont vraiment sympas? Est-ce qu'il y a vraiment un bon accueil au restaurant, au bon accueil? Vas-y, appelle. Je rappelle que dans ce moment, je vais être un gros con fini. Il faut. Voilà, je parle toujours. C'est très bon dans cet exercice d'ailleurs. Voilà, attention, en mode gros con. Ça y est. Bon accueil de Varville, bonsoir. Ouais, bonjour madame, c'est le bon accueil? Oui. Oui, bonjour. J'appelle pour une réservation. Oui. Voilà. Dites-moi tout. pour demain soir, pour 5 personnes. Voilà, c'est pour demain soir, pour 5 personnes, oui. Ouais. Ok, c'est quel nom? Oh là là, c'est au bon accueil ou j'ai un train à prendre? On se parle doucement, vous êtes super pressé. Non, pas du tout, c'est qui à l'appareil? Bah non, on se connaît pas, mais je trouve un peu rapide, moi. C'est pour un anniversaire, je disais. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour un petit anniversaire. Ah, voilà, l'anniversaire de ma femme. D'accord. Il me fait chier en ce moment. C'est beau pourtant. Et c'est pour. Voilà, c'est pour ça que je réserve chez vous, parce qu'elle mérite pas mieux. Pourquoi vous riez? Je sais pas, c'est qui à l'appareil? C'est quelqu'un que je connais, mais j'essaye de. Non, c'est Monsieur Bonneuil, on se connaît pas. Donc, mettez pour 20h. D'accord, pour 20h. Non, plutôt 19. 19h55. Non, 19h. 19h? Ouais, avant que tous les cons arrivent, parce que je sais que vous avez une clientèle qui est pas très évoluée, donc s'ils pouvaient, comme ça on sera tranquille. Moi ça me fait chier de bosser avec des bouffes. Comment? C'est qui à l'appareil? Non mais on se connaît pas, hein. C'est. Cherchez pas, on se connaît pas. Hein. Bah pourquoi vous dites que j'ai une clientèle qui est pas trop évoluée? Parce que je suis venu une fois, ça respire pas le bon goût, quoi. Parce que? Ça respire pas le bon goût. Je suis venu manger une fois, c'était pas fameux, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si la carte a changé. Il y a combien de temps? Bon, il y a 3 mois, je crois, j'étais venu. Qu'est-ce que c'est qui a l'appareil? C'est quoi cette blague? Enfin, c'est pas une blague, je vous dis que c'était pas bon. Je sais pas pourquoi ce serait une blague. C'est pour ça que vous revenez alors? Non, je reviens pour ma femme, je vous ai dit. Comme ça, ce sera vite plié. Voilà. C'est pour l'emploi. Mais attendez, on vous a jamais dit que c'était pas bon. Je suis le premier à vous dire que c'est pas bon chez vous. Oui, en général, on dit plutôt le contraire. Excusez-moi, il en faut bien qu'ils disent la vérité. Voilà. Bon. J'ai l'impression de bouffer surgelé, c'était pas bon. Voilà, c'est tout. Comment? J'avais l'impression de manger surgelé. Ah, ça m'étonnerait. Écoutez, j'en avais l'impression. Ah, voilà. C'est une fausse impression alors. Et faut sortir le dimanche. Écoutez, madame, je sors le dimanche et même les autres jours de la semaine et ça m'a fait ça. Est-ce que vous pourriez mettre des bougies sur le dessert de ma femme? Des bougies sur le dessert, oui, combien de bougies? Bah, je sais pas, quelques-unes. Je plaisante, on mettra 2-3 pour voilà. Vous avez des bougies normales? Oui. Vous avez des bougies qui s'éteignent pas, peut-être? Vous avez ça? Ça m'étonnerait pas, c'est tellement beauf chez vous que ça m'étonnerait pas que vous ayez les bougies que quand on les allume, ça chante joyeux anniversaire. Ça m'étonnerait pas, ça. Je suis sûr que vous en avez un stock. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Je vous préviens, c'est la façade, vous avez intérêt à être plus sympa demain. Si moi, sinon, je vous défonce sur TripAdvisor, ça va être vite vu. Je vous mets 0, le client, il est roi. Hein. Oui, non, mais ça me fait pas peur. Oui, bah moi non plus, ça me fait pas peur. C'est pas les clients qui me font peur. Ah faut bon pas exagérer quand ah même. Bon, je sais pas qui vous êtes, mais. Je suis un client, madame. Et un client, oui, c'est mais sacré. Bon, qu'on me menace. Mais je vous menace pas, madame. Je dis que si jamais l'accueil il est pas plus chaleureux que ce que vous êtes en train de me faire au téléphone depuis tout à l'heure. Ah oui. Vous arrêtez pas de me sortir des blagues, vous ne dites pas qui vous êtes. Bon, enfin, et puis vous. Non, oui. Bon, moi je veux bien rigoler, mais bon. Ça veut rien dire la face que vous avez faite là. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit des bêtises là. C'est pas des bêtises, madame. Pas moi, mon avis, madame, vous, hein. Madame, j'ai mal mangé une fois. Bon, voilà. Vous avez des bougies de beauf, J'y peux rien. C'est comme ça. Bon, c'est bon pour 19h ? Ouais, on verra ça demain. Ça non, c'est pas on verra ça, madame. Moi, si je déplace la grosse, il faut que vous soyez là, quoi. Il faut qu'il y ait la table. Mais vous êtes qui, là ? C'est quoi cette blague ? Moi, je suis monsieur Coé. Coé, ça me dit rien, Coé. Ah bon ? Non. Vous allez vous dire rien si je vous dis qu'on est en direct sur Énergie dans toute la France ? Si je vous dis que je suis désolé que c'était pour rire, applaudissez cette dame parce que elle a été. Elle porte bien son nom. C'est au bon accueil. Je suis désolé, madame. Je suis désolé, vous portez bien votre nom. On est juste en direct sur Énergie dans toute la France. Tout le monde vous a trouvé très sympa, alors que moi, ils m'ont tous trouvé ignoble. Oui, c'est vrai. J'essaye de tenir mon calme. C'est très bien. On n'a jamais mangé chez vous. Vous êtes où, vous ? Mais où ? À Salaud-Deauville, à côté de Port-Bail. Bon, on n'est pas prêt de trouver, si un jour je suis perdu, mais... Vous venez par là et on s'occupera de vous faire quelque chose. Moi, je vous fais un gros bisou. Vous ramenez la grosse, alors ? Ouais, bien sûr. Je ramènerai la grosse. C'est vrai, Julie, tu viendras avec moi. Je vous embrasse, madame, à bientôt. Merci bien. Bisous au restaurant, bon accueil. Porte bien leur nom. Vous avez remarqué qu'à chaque fois... Ça marche, hein ? Mais moi, j'aurais un type comme je viens d'être au téléphone. Mais je fais des secondes. Comme quoi, faut être con, en fait. On est trop gentil à chaque fois. En fait, on est trop sympa. Faut être détestable. Et je suis sûr que j'aurai une bonne table demain. Avec des belles bougies qui chantent. Voici Pute Bulle et Macassi. Viens dans mon taxi. C'est pas un Uber. Hey, ici, c'est Macassi, man. Pute Bulle au mic, yeah. Bam, bam, bilam, bam. Chérie, viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, enfin une de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah ça dans le sang. Un doux suçon, elle soupire et frissonne. En el taxi, la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer, está dura. Que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Envie de vite fouler, chérie, viens dans mon taxi. Qui saura te guider avec plaisir sur les chemins du désir. À l'arrière, tout s'enflamme, oh, c'est chaleur. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la boule, j'en oublie ma tournée. Et le tel sonne, les autres attendent. Chérie, viens dans mon taxi. Chérie, viens. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Sofía. Vous vous souvenez de ce titre de Mike Posner? Pour ceux qui avaient raté cet épisode, il y avait celui-là, le dernier. Moi, j'ai envie qu'on lui redemande l'ancien. Eh ben, non, tu lui demanderas, Julie. Tu te débrouilleras. Tu te lui demanderas gentiment. Et quand on demande gentiment, c'est bon. T'auras plus de chance si c'est toi qui demande. N'oubliez pas, Kritsa, viens avec nous à Walibi. Oui. En Belgique, avec vous, on fera une émission spéciale là-bas en Belgique pour fêter le fait qu'on est numéro 1 tous les soirs en Belgique. Encore une fois, je fais un bisou à ceux qui nous écoutent à Bruxelles. Oui. À Liège, à. À Bruges, à Waterloo. À Waterloo, à Namur, à Charleroi. Enfin, quand on tourne à Waterloo, j'ai bien aimé les trucs qu'on avait fait là-bas. C'est vrai. C'était pas le sapo, c'est à côté de Bruxelles. Mais c'est à côté. C'est à 30 minutes. Un vendredi soir. Mais oh, si ça va. Fait plus, c'était paumé. Non, c'était pas mort. Non, mais nous, c'était paumé. Ah, ouais. les gars, ça y est, tout de suite l'aventure, on sort de la ville, ils sont perdus. Voilà. Ah, ça y est, oh, on est perdus, vite, Europe Assistance. Ça va, Alicia? Bonjour, ma chérie. Ça va, merci, vous. Mais ça va bien, t'habites où, Alicia? J'habite près d'Amiens, dans la Somme. D'accord, Jérémy, dédicace pour toi. Oui. Voilà, je souhaite c'est piéger ma mère, c'est toi, hein? C'est ça. Qui veut piéger maman en lui disant que j'ai trompé mon copain. Oh. Avec laquelle je suis depuis 4 ans. Oh. Attends, t'as 17 ans? J'ai 18 ans. 18 ans, et t'es avec lui, donc depuis tes 14 ans. C'est ça. Maman l'aime bien? Oui. Voilà, et tu me dis en plus de ça, je l'ai trompé avec un dealer en prison. Ah, non, mais ça c'est pour la blague. Ouais. Ah oui, oui. Ah putain. Ouais. Je croyais que l'hôtel me l'annonçait comme ça. Non, j'ai trompé avec un dealer en prison. D'accord. Voici les 5 phrases que tu vas dire à ta mère. T'es prête? Oui. Faut que je te dise un truc. Je trompe mon copain depuis plusieurs semaines. Comment elle s'appelle, maman? Sandrine. Quel âge elle a, Sandrine? 37 ans. Elle est sympa? Oui, sympa. Bon, toi, mais il ne faut pas l'énerver non plus. Hein. Ah bah, j'espère bien, parce que si tu me dis, quoi qu'on lui dise, elle ne s'énerve jamais, ça ne serait pas bien pour le super jeu. On a besoin de gens qui gueulent. T'es très jolie en tout cas. J'ai la photo, de toi sous les yeux, j'ai tout. Bravo. Deuxième phrase, je voulais pas te le dire. Bravo. Mais si, elle est jolie, je dis bravo. Très bien. Je voulais pas te le dire, mais je suis tombée enceinte. Le problème, c'est que Kevin, mon nouveau mec, il doit aller en prison. Quatrième. Il dit du shit et il s'est fait arrêter, mais je l'aime et je vais l'attendre. Ah là là là. Et la dernière, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Tu bouges pas? Wow. Ouais, ça nous fait plaisir, c'est un paquet de jeux. Dans un instant, ma chérie, ok, Alicia? Il n'y a pas de soucis. Mais c'est quoi ça? C'est David Guetta? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, les David Gâteuses et les David Gâteurs. Si vous avez envie de rencontrer David Guetta, de lui serrer la main, d'aller à l'événement qui a lieu sous la Tour Eiffel pour le lancement de l'Euro, et d'être dans le carré or, transport, hébergement, si c'est le double 8, 612 par SMS. David Guetta, je vous le dis, c'est maintenant. 6, 11, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message, un simple SMS. Laissez votre numéro de téléphone. Dites oui, je veux venir en invité, en carré or et croiser la main de David Guetta. Et vous lui direz bonjour et vous allez le rencontrer. Vous avez le transport, l'hébergement, l'hôtel, tout. Peu importe l'endroit où vous habitez, on vous fait venir. C'est bien ça, non? Maintenant, 6, 11, 12 par SMS. Go, go, go, go, go. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, oh, oh, oh, oh. The dangerous. Oh, oh, oh, oh. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Sur Twitter et tout. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, je dis qu'il y a Efron Drive qui sera là. Et ce qu'on met derrière, c'est du Julian Peretta. Hein. Bravo, technique. C'est fort. Voilà. Personne ne l'a remarqué. Alors le public, alors là, bah, personne. On connaît pas trop, ça reste pointu. Hein. C'est super pointu. Non, mais c'est surtout c'est ce titre-là de Julian Peretta. Generation qui est pas. Hein, hein, voilà. Bon. Voilà. Mais non, mais c'est pas un hit. On connaît pas, quoi. Oh, quand même, si, il est bien. On l'a passé celui-là. Non, oui. Bah non, on n'était pas là. Si. Tu baissais le son. Ah bon, mais tu baissais le son, t'aimais pas, Jérémy. Ah bah ça va être de ma faute. Et bah, tu sais quoi, ça va être de ta faute. Voilà, ah, bah, c'est comme ça. Donc laissez-nous mettre le vrai morceau parce que comme on lui a dit tout à l'heure à Psycho que c'était pas le bon titre, depuis il le cherche. Donc si vous êtes fan d'Evan Drive, envoyez-le directement. Ah mais c'est bon, lui envoyer. Non mais c'est un peu compliqué parce qu'il a son groupe, il a le truc de la série et on sait pas s'il vient pour son groupe. Alors attention, explication de Julie. il vient pour la série Big Time Rush, parce qu'il y a un album best-of, parce que dans la série Big Time Rush, il a un groupe qui s'appelle Big Time Rush. Sauf que dans la vie, il a un groupe qui s'appelle Efren Drive. Voilà. Mais du coup, il vient tout seul avec son guitariste, donc en Efren Drive, mais il chante la chanson de Big Time Rush. Avez compris ? Voilà. Oui. Tant mieux. 612 par SMS, vous voulez voir David Guetta et le rencontrer, c'est maintenant. Envoyez-nous un SMS, mettez que au début de votre message. Salut, je rêve de rencontrer David Guetta. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il y en a un écrit mon rêve. Alors là, il n'est même pas signé, pas de numéro de téléphone, rien du tout. S'il vous plaît, je vous kiffe, appelez-moi. Bah oui, mais t'as pas laissé ton numéro de téléphone. Oh là là là là, s'il vous plaît. 612, mettez que au début de votre message, on n'en parle plus. Alicia, t'es là ? Oui, je suis là. Prépare-toi, Alicia. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais mis là-bas, on sait la cloche. Attendez, moi je suis pour que les gens s'amusent dans cette émission. Voilà. Si il kiffe d'envoyer une cloche, laissez-lui envoyer sa cloche. Et s'il kiffe de baisser le son quand il y a Peretta qui passe ? C'est son problème. C'est son problème. Eh bien, quand Julian Peretta viendra, on lui dira. C'est ça. Et puis c'est tout. Il y a à un moment donné, nous on est comme ça. On aime bien les artistes. Quand on les voit, on leur dit la vérité. Voilà. On va encore te faire casser la gueule. Déjà qu'il y a les frérots de la Vega qui t'ont crevé les pneus. Ouais. Alors ça va mal se mettre. Alicia, est-ce que tu peux me dire les 5 phrases que tu vas dire à maman ? Faut que je te dise un truc, je trompe mon copain depuis quelques semaines. Comment ? Ah bon, d'accord, oui. Je voulais pas te le dire, mais je suis tombée enceinte. Oula. Le problème, c'est que Kevin, mon nouveau mec, il doit aller en prison. Là, elle doit tiquer, là, à mon avis. Là, si elle tique pas là, elle gueulera jamais. Ensuite. Il deal du shit et il s'est fait arrêter, mais je l'aime, je vais l'attendre. Ouais, et la dernière ? Et la dernière, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Oh, c'est magnifique. On appelle maman, elle s'appelle Sandrine. Oui. 16 juin, les amis, semaine prochaine, One Man, feu de la rampe. Tu stresses ou pas ? Tiens, ouais, t'en il reste que quelques places et tout, c'est une tuerie, ça va être une tuerie. Et 1er juillet à Saint-Quentin, dans l'Aisne, Picardie, rendez-vous à Saint-Quentin. Allez, on appelle ça, on appelle maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, allô ? Oui, allô, allô maman ? Oui. Oui, je te rappelle depuis tout à l'heure quand même. Bah oui, je t'ai laissé un message, je pouvais pas te rappeler avant, j'étais occupée. Ah ok. Bon. Bah, j'avais un truc important à te dire et puis bah j'en profite d'être chez une amie pour pouvoir te le dire parce que je pouvais pas te le dire en face en fait. Ah bon ? Ouais. Pourquoi tu pouvais pas me le dire en face ? Bah comment te le dire en fait ? Ça fait quelques temps. En fait, je trompe mon copain depuis quelques semaines, quoi. Ah, c'est nouveau, ça. Bah, ouais. Bah, c'était pas prévu, en fait. Je l'ai rencontré lors d'une soirée en boîte. On avait des potes en commun. Puis bon... Ouais, d'accord. Et tu veux que je fasse quoi ? C'est quand même pas moi qui vais aller lui annoncer. Tu lui as dit ou... Bah, pour l'instant, j'ai encore rien dit. J'ai encore tenu le secret. Bah, attends, ça fait 4 ans que t'es avec lui. Qu'est-ce que tu vas aller faire un truc pareil ? Bah écoute, on avait un peu trop bu, puis ça a dérapé, puis bah je tiens à lui quoi. Ouais, moi je t'ai déjà dit, tes soirées pourries déjà, ça commence à bien faire, je te l'avais dit. Ah bah on n'a qu'une jeunesse, j'ai voulu en profiter, donc je me fais des soirées. Non mais ça je veux bien, il n'y a pas de problème, je te l'ai déjà dit, t'as le droit de sortir, c'est pas le souci. Mais maintenant tu vas faire comment ? Tu lui faut au moins lui dire quand même. Bah en fait le problème c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Bah, en fait, parce que ça c'est déjà pas un problème pour toi. Non mais pour toi c'est pas un problème ça déjà. C'est qu'une partie du problème. Bon, en fait je voulais pas te le dire mais en fait je suis tombée enceinte. T'es tombée de qui ? Pas de mon nouveau copain. Eh ben tu te fais avorter, écoute. Hein. Bah non, je vais pas avorter. Tu me dis que c'est une soirée, t'avais trop bu, tu vas pas garder un gamin de je ne sais où comme ça. Je l'ai revu depuis la soirée et le feeling il passe bien et je veux me mettre avec. T'as te mettre avec un mec que t'as croisé dans une soirée où t'étais complètement bourré, n'importe quoi là. Et ta relation d'il y a 4 ans, t'en fais quoi alors ? Bah après, c'est différent. Bon écoute Alicia, là ça commence à me saouler. Soit tu viens me l'expliquer en face ou parce que là ça m'énerve en fait. Maman, je peux pas, j'ai pas fini. Bon, écoute, il faut prendre une décision, tu vas pas rester comme ça, c'est n'importe quoi. Bah le problème, c'est que Kevin, mon nouveau mec, il doit aller en prison en fait. Ah bah ça c'est la meilleure par contre. Ah bah là, c'est encore mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Oh mais t'inquiète pas. Rien. Tu vois, on peut. Bon, attends, ton père il commence à gueuler, comme ça c'est bien. Super les soirées. Il n'y a pas de quoi gueuler, je l'aime, c'est tout, je l'aime. Tu l'aimes, tu le connais même pas, il va en prison pour quoi d'abord? Est-ce que tu te rends compte un peu, il va en prison pour quoi? Bah, je le connais, Tu le connais, tu l'as vu combien de fois? Deux fois, trois fois? Tu le connais, toi? Bah, je l'ai vu plusieurs fois déjà, quand je te fais croire que je dormais chez une amie, en fait, j'allais chez lui. Allez, de mieux en mieux, parce qu'en plus, maintenant, tu me mens. Moi, je te crois quelque part et tu n'y es pas du tout. Et il habite où? Il est où? Il vit où, ce mec-là? Parce que moi, je vais aller le voir. Bah, attends, en fait, il faut que je t'en dise plus. Il deal du shit, en fait, il s'est fait arrêter. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Mais je l'aime, je vais l'attendre. Non, mais il n'y a pas, tu l'aimes, non, mais ça, c'est du cinéma. Moi, je te préviens, de toute façon, je prépare tes affaires, tu te démerdes. Moi, tu rentres pas à la maison. Tu ne rentres pas à la maison. Tu te démerdes. Et là, t'es où, d'ailleurs? T'es où? Bah, là, je suis chez lui, là. Il habite où? Moi, tu me donnes son adresse, tu me dis où il est. Tu me dis où il est. Parce que moi, je vais y aller. Moi, ça, non, ça va pas être possible, ça. Alors de toute façon, je crois que tu m'auras tout fait, toi. Tu m'auras tout fait. Bah, j'ai 18 ans, de toute façon, donc je fais ce que je veux. Oui, t'as 18 ans. Ah bah, parce que on a 18 ans, on peut faire tout ce qu'on veut. Allez. On peut se lâcher, on peut aller. Bah oui, Il habite à Vertes-Compiègne. Oui, bah oui, justement, c'est très bien, c'est pas très loin, je vais y aller. Alors, je peux te garantir que je vais y arriver, moi. Tu vas voir. Mais maman, je t'emmerde, je fais ce que je veux. Ou tu m'emmerdes, tu fais ce que tu veux. Non, mais tu me parles autrement, déjà. Pour commencer. Parce que oui, toi, tu vas faire ce que tu veux. Non, je tu vas faire ce que tu veux. Oui, bah, bien sûr, tu m'emmerdes, oui. Bah, c'est très je bien, t'emmerde. Tu m'emmerdes. Mais t'as raison, c'est pas grave, mais tes affaires. Et dis-y qu'on l'emmerde et puis c'est tout, hein. Tu sais quoi tes affaires? Je vais te les amener à Bertocourt, je vais te les amener tout de suite. Et dis-y qu'on a rien. Et qui est-ce qui parle là derrière maintenant? Je m'en fous, hein, j'ai rien à foutre, moi. T'es avec moi, ma chérie, t'es avec moi, tu viens, t'es avec moi maintenant. Bon, c'est qui lui là? Bah, je suis avec Kevin. Ouais, c'est beau. Et tu me le passes? Ouais, je parle pas, merde, je parle pas, moi. Mais il veut pas te parler. J'ai rien à te dire, hein. Ouais, non, mais il veut pas. Bah oui, c'est facile, hein, il veut pas me parler, bah non. Il se fait foutre, hein, j'ai rien à lui dire. Ah non, il veut pas me parler, non, c'est facile. C'est bon, hein. Attends, c'est ça. Non, mais je te préviens, là, je suis en train de prendre mes affaires, j'arrive. Hein. Dizzy qui ferme sa gueule. Il veut pas hein. Que tu vois le gamin. Dizzy qui ferme sa gueule, hein, direct. Hein. Quoi, il veut pas que je vois le gamin? Ah ouais, il y a un gamin. Bah non, il veut pas que tu le vois. Il veut pas qu'il voit le tchou, hein. Non, hein. Non, mais moi, je veux pas le savoir, moi j'arrive tout de suite. Dis-y que je t'emmerde. Donne-moi l'adresse. Je vais pas te donner l'adresse. Dis-y qu'elle la ferme, je veux pas la voir. Bon, bah écoute-moi, c'est très simple. Tu sais quoi, je vais aller chez Mélanie, elle va me la donner l'adresse. Parce que quand je vais la claquer contre le mur, tu vas voir, elle va me la donner l'adresse. Allô? C'est Kevin, là. Quoi? Oui. Eh ben, vous comptez faire quoi, là? Bah, c'est bon, elle est enceinte, en garde le tchou, hein. Ah oui, et puis alors toi tu vas en prison et puis elle est enceinte. Et alors ça va, ça arrive à tout le monde de te faire une erreur, hein, c'est bon. Oui, non, mais ça je veux bien. Ça bon, je veux bien. Je vendais de la drogue, mais j'étais pris avec 4 kilos. Même pas. Ça arrive à tout le monde de pouvoir se prendre avec 4 kilos de drogue, hein. C'est pas. Non, mais là faut arrêter les conneries, hein, ça va bien. Hein. Bah, c'est toi, arrête tes conneries, ça va, c'est pas arrivé à tout le monde. Non, hein. Non, moi je peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça du tout. Ouais, rien à foutre, moi, que tu n'essaies pas. Hein. C'est tout, on est heureux. Elle m'attendra la sortie de la prison. Et bah, c'est très bien. Tu sais quoi, là, je vais amener tes affaires et tu la gardes chez toi. On est amoureux. Tu la gardes chez toi. Non, rien à foutre. Parce que moi, c'est terminal. Elle ne passera plus la porte. Fini. Vas-y, tais-toi, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de tais-toi. Mais t'es qui pour me dire tais-toi, d'abord? Ouais, toi, t'es qui pour me tutoyer? Pourquoi tu me dis-tu? Bah, parce que pour moi, t'es un petit jeune, j'ai le droit de te dire bah, tu. Moi, t'es une vieille, alors je dis tu, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, bah oui, bah si tu veux, je suis une vieille, j'en ai rien à foutre. Ça devrait fumer, ça te détendrait. Pour moi, ouais, bah peut-être, mais moi, j'ai jamais touché à votre merde, moi. Bah, ça va, hein. Attends, non, ça va. Hey, Alicia, du grand n'importe quoi, Alicia, du grand n'importe quoi, j'aurais tout entendu, Alicia, là. Embrasse-moi, non, mais attends, parce que. Bébé. Parce que. Non, mais t'inquiète pas, parce que déjà, son père, il va débouler, ça, c'est sûr et certain. Rien à foutre. Embrasse ça, c'est bébé. Certain. Et bébé, embrasse-moi, fais un bébé. Bébé, ouais. T'es bon bébé. Ouais. Bébé, tu m'as quitté. Alicia, je te préviens. Moi, je vais l'appeler. Je vais lui téléphoner. Hein, pour lui dire ce que t'as fait. Moi, je vais tout lui raconter. Comme ça, il va venir avec ton père, tu vas voir. Elle me saoule, ta mère. Bon, écoute, maman, tu vas me faire la morale parce que t'as eu ton premier enfant à 17 ans. Donc, oh là là, peut-être. Sauf que moi, je ne l'ai pas fait en boîte. Et qu'en plus, c'est votre père. C'est votre père. Mais t'avais pas de situation financière non plus, hein. Alors oui. Attends. Alors que nous, ton père, il était en tol et j'ai attendu peut-être. Bah, bien sûr, t'as raison. Poupouille, maman, hein, c'est bon maintenant. Non, moi j'ai assumé jusqu'au bout. Moi, je l'ai assumé. C'était bah, pas une situation de folie bah, comme ça vous. Va. Mais attends, moi, laisse-moi sortir de prison, je refais deux, trois business. Situation de folie. Prison, oh. D'abord, tu vas rester combien de temps en prison? Bah, rien, c'est rien. À mon avis. Mais non, ils ont été cléments, 5 ans. Ah ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Ouais, parce qu'à mon avis, c'est de la récidive en plus. Ah bah évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Bon, on fait ça de père en fils. Ouais, bien sûr, mais bah, oui, attends. Mais dans quelle famille t'as été de foutre là? Ouais, on est une bonne famille, hein. Ah bah oui, mon père, oui, il les cultive. Mon père, il les emballe. Oui, mon grand frère, il les fume. Moi, je déteste. Comment, quoi? T'es en train de me dire que t'as un champ de cannabis derrière chez toi? Bah oui, hein, là, on a le centre de test officiel. Et crois-moi, oui. Écoute-moi. Ouais, alors, c'est pour dire que c'est du bon. Ouais, hein. Vous me faites chier, vraiment, vous me faites chier. Sandrine? Oh, merde. Ah, merde, oh, c'est à la fin. Elle a craqué. On rappelle. Elle est très bien, maman. Elle est très, très bien. C'est marrant, quand j'ai donné le nom du village, c'est le nom du village, Lobby de Jérémy. Oui, c'est ça. On s'attendait à ce que la mère dise oh, pas le pays où le mec vole la viande. Oh, pas lui. Elle est prête à y aller, c'est vraiment à côté. Allô, qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? Non, il y en a ras-le-bol là, de vos conneries, moi j'en ai marre. Pourquoi? Marre, mais de toute façon, je vais débouler, moi je vous le dis mais tout de suite. Tu vas débouler où? À Berthaucourt, j'arrive chez toi, je vais déverter, je vais la trouver l'adresse. Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais à Berthaucourt le mec qui vole la viande chez Auchan? Ouais, ouais. Le mec qui est réalisateur de l'émission de Coé à Énergie. Il bosse là-bas? Ouais. Il vit là-bas. Mais vous êtes tous en train de vous foutre de ma gueule, là. Oui. Bah, sauf pour ce qu'on vient de dire à l'instant. En fait, vous avez picolé, vous avez fumé, vous êtes de ma gueule, en fait, c'est ça. Non, on est sur Énergie. Je m'appelle Coé. Oh là. Non. Si. Ah, le blanc. Oh là là. Non. Si. Non. Ouais, bah ouais. Franchement, j'ai pété un gros câble là, c'est pas possible. Parce que moi, là, je viens de monter en voiture. Hein. Mais ça sert à rien. Pourquoi tu montes en voiture? Bah arrêtez-vous chez Jérémy, il doit rester de la viande. écoute le public. Vous êtes trop con. Oui, on a bah ouais, Jérémy, devrait voler des merguez aussi. Je sais, les terribles, ils volent que de la viande. Je sais. C'est pour rire, Alicia, dis à ta maman que c'est une blague. C'est une blague. Que t'es toujours avec ton chéri. Je te jure, toujours que t'as de la chance. T'es détendu, maman, d'un coup. T'as vu? Oh, ça va mieux, mais je tremble quand même avec vos conneries. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas bu depuis ce matin. Mais. Je te fais un gros bisou, Sandrine. Je t'embrasse fort. Merci. Qu'est-ce qu'elle gagne, Alicia, Julie? PS4, Alicia. Bien joué pour toi et ton mec. Et pour faire ce que tu veux, je t'embrasse fort. Vita et Jules dans un instant sur Énergie, bougez pas. Et on écoutera quoi après? Et on écoutera des euros. Et allez-vous tous aussi, à tout de suite. 0870 42 48. 22h. Énergie, Guillaume. C'est quoi ce prénom? C'est qui cette voix? Quentin Duvar. Duvar. Ah, enlève le haut-parleur, mon Quentin, s'il te plaît. Salut, Quentin. J'ai pas le haut-parleur là, je suis en voiture. Attends, je me mets sur le bas-côté de suite. Là. Vas-y. Ah. Et pour un MacBook, je m'arrête. Ah, voilà. Un MacBook, il faut le 6. Pour éviter la main aussi. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On NRG. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Georges bien sûr et un Bruno Chéroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25€ d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Énergie et TF1 présentent le grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars. Sur scène, jeudi, à la veille du premier match de l'Euro, Will.i.am, Christophe Maé, Louane, Florent Pagny, Soprano et Kenji Girac. Puis David Guetta prend la relève pour un concert exceptionnel pour danser toute la nuit. UEFA Euro 2016 à 20h55, le grand show d'ouverture. Présenté par Alessandra Sublet à 22h55. Le grand show de David Guetta. Jeudi, en direct sur TF1 avec Énergie. Le Mont Ventoux, ses côtes abruptes, sa chaleur étouffante, une expérience sensorielle. mentale entre épuisement physique et déshydratation. Amateur de défis, risquez la chute libre à flanc de montagne et plongez au cœur d'une nature vierge et épineuse. Tour de France, suivez le guide dans Vélo Magazine. Équipe, favoris, étapes, tout ce qu'il faut savoir sur la grande boucle est dans Vélo Magazine. Et en cadeau, le poster du Tour. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Cette semaine, achetez Auto Plus. Il y a 100 places à gagner pour l'Euro 2016. Avec son code unique, chaque Auto Plus peut être gagnant. C'est dans Auto Plus. Un partenariat avec Hyundai. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpés dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont au lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, évitez de grignoter. Disney présente Alice de l'autre côté du miroir. Cette année... Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, ça recommence. Pour sauver le pays des merveilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas devoir sauver la famille du chapelier. Ce n'est pas impossible. Tout juste pas possible. Le temps sera compté. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Jeune fille, vous avez fait votre temps. Alice, de l'autre côté du miroir, produit par Tim Burton, actuellement au cinéma. Avec énergie. Bienvenue tout le monde. Attention, attention. Ça y est, on y est. Bravo, bravo, ça c'est Front Drive, non, c'est voilà. Ça oui. Alors ça c'est Front Drive ça. Ouais. C'est pas la chanson de la série. T'as gauche, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais moi je préfère celle d'avant. Elle est pas mal celle d'avant. On dirait un peu Justin Bieber, je crois. Bah c'est toute la prod américaine en ce moment, on dirait un peu Justin Bieber. Mais c'est vachement bien, ouais. Comme toutes les nanas qui chantent en ce moment, on dirait un peu Rihanna. Non, mais vrai, par contre c'est le retour, c'est le premier morceau qu'on réentend avec le premier solo de guitare. Merci Pierre. Un truc qu'il avait dit, c'est vrai. Non mais c'est marrant, c'est vrai. Merci. C'est ouf. C'était ringard à l'époque. Mais c'est génial Pierre. Une autre info peut-être? Bah non. Allez, n'oubliez pas que Ritza sera avec nous et on fera des attractions ensemble à Walibi. En Belgique, ça va être énorme. Là, on va rigoler. Ouais, bah j'espère. Surtout qu'il y a des manèges de malades et que. Et on fera l'émission. Il pourra pas y faire. Pour fêter le fait qu'on sera numéro 1 là-bas, vous serez des centaines et des centaines d'auditeurs. Oui. Invités de France et de Belgique. On va essayer de privilégier les Belges. Bah oui. C'est normal. C'est pour fêter le fait qu'on est numéro 1 aussi en Belgique. Et là, vous allez me dire, oui, mais si tu fais une émission en direct de la Belgique pour fêter que tu es numéro 1 en Belgique, quand est-ce que tu fais une grosse émission en France événement pour fêter le fait que tu es numéro 1 en France? Eh ben, pas tout de suite. C'est pas prévu. Allez, on fait le dossier sur les examens ou après? Dans un instant. Après. Dans un instant, on aura Lisa, 16 ans. Ça va, Lisa? Oui, ça va, très bien. Et toi? Ouais, ma chérie, on parlera de ça dans un instant. Le stress. D'accord. Le stress. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Vita et Jules. Ouais, bien ce morceau. Ah, il est bien ce titre. J'aime bien, moi. T'aimes bien? Ah, ouais, moi j'adore. Ouais, c'est bien. Et alors, elle devait pas venir? Non. Finalement, non. Non. C'est Jules qui vient plus? C'est une blague. Je crois que c'est ça, ouais. Ah, il bloque avec énergie? Ah, je sais pas. Il faudrait qu'il vienne, pépère. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent en toi. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent en toi. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Je crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué. je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Qui m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais qui passe sur nos dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qui passe sur nos dos. Nous on marche à la parole. Nous on marche à la parole. On en a rien à foutre. Lui c'est qui? Moi c'est qui? Ah ça y est. Moi c'est gay. Sur Instagram. Par contre, un jour, on va peut-être le refaire. Je me suis adapté. Non, mais le jingle, juste le refaire pour de bon. C'est pas. Je dis ça de dire, hé, psycho. Et tu es parti. Mais il dit pas sur Facebook. C'est nous qui le disions. C'était Facebook. Ça fait 6 ans. Non, il n'y a pas de parole. Ah bon? Non, les gars. Ah bon? Bah remets-le. Il y a juste lui, c'est qui? Lui, c'est qui? On va vérifier, excusez-le. Moi c'est gay, get. C'est énorme. Moi c'est gay, get. Moi c'est gay, get. Oui, comme ça, on peut s'intégrer. Bravo, à tout. Tape là, tape là, tape là. 8000 likes, il allait faire du foot, à combien on est? On a 8000 likes. Et y'a Loris qui va faire du football. Et y'a Loris qui va faire du football. N'applaudissez pas ça, n'applaudissez pas ça. Cette fille, elle a Gilles de la Tourette, elle dit les ballons, ils vont se les mettre dans le cul et tout le monde fait ouais. C'est dingue, ça choque personne. C'est incroyable. Ouais. Moi, j'aurais dit ça tout de suite. De ma bouche, c'est chaque fois. Mais ouais, moi, j'aurais dit ça, moi, tout de suite. Ah bah, bum, un papier sur France Inter. Allez, c'est parti. On parlera examen tout à l'heure. Pour l'instant, le stress aux examens. On fait un bisou à la petite Lisa, à la 16 ans. T'es toute jolie, toi. Oui, merci. J'ai une photo, c'est très bien. Elle me dit je stresse à mort à cause de mon bac de français qui est la semaine prochaine. Moi, j'ai mon one man la semaine prochaine à Paris. Oui, c'est vrai. Moi, pas pareil. Toi, c'est pourquoi naturel. C'est ton oral aussi. C'est naturel. J'ai une heure et demie. Il va y avoir des journalistes dans la salle. Il va y avoir mon équipe. Mais moi, c'est 4 heures d'examen. Mais moi, quatre c'est heures. Une heure et demie. Est-ce que tu stresses, toi? C'est pas pareil. Non. T'as jamais stressé? Si, des fois, mais quand t'es des, c'est quand je suis pas sûr que ça marche ou des fois, si des fois moi je stresse quand on me dit attention hein, ici et là il y a toujours des mecs qui te donnent un exemple d'un humoriste qui s'est ramassé une tôle. Ouais. Ils disent ici machin la semaine dernière il est venu, il a pas rempli puis les gens ils ont pas rigolé. Hein. Oh. Et là, après il te dit et puis bon spectacle. Hein. Et toi, ah, putain, ouais. Et d'ailleurs il y a des villes comme ça. Si c'est le seul moment, mais sinon je suis tellement content de retrouver les gens donc je stresse pas. Donc toi français la semaine prochaine, t'as eu des épreuves blanches? Ouais, j'ai eu des épreuves blanches. Bah, mon épreuve blanche orale, j'ai eu 4 sur 20. Donc vraiment. C'est un bon départ. C'est un bon départ. 4 ouais. sur 20. Ouais. Ensuite. Et puis ensuite, en écrit, j'ai eu ma première note, c'était 5 sur 20. Donc c'est, vraiment. C'est génial. Mais comment tu fais pour avoir 4 à l'oral? T'as parlé anglais en fait, c'est ça? Ou je espagnol pas. Ou... T'étais pas là? Non, je parle portugais couramment, mais le français, c'est vraiment pas pour moi. Oui, non, le truc, c'est que c'est vrai qu'il faut pas répondre en portugais. Quoi. Non, c'est pas besoin. À moins que t'es un mec portugais qui trouve ça cool. T'as pas besoin de stresser, tu sais d'avance que tu l'auras pas. Moi, j'étais bonne à l'oral. Et Guiguette, il a raison. Mais, hein. Bah oui. Pourquoi tu stresses? T'es nul. Bah, non, mais moi, c'est stress quand t'es limite, tu vois. Mais toi, t'es trop nul. C'est dur. Enfin, bah, écoutez, c'est moi, j'ai passé mon premier bac. Ouais. Mon premier bac, j'étais en scientifique. J'ai eu toute l'année 6 en maths, 3 en physique. Bah, je suis allé au bac. À la cool. J'ai tenu mon score. 6 en maths. À la cool, 6 en maths, 3 en physique. Et t'as pas voulu réviser ou quoi que ce soit? Mais rien. C'est rien quand t'es nul toute l'année, c'est pas un tour de magie. Hein. Si c'est passé, c'est passé. Hein. Si t'as été bon toute l'année, le bac, c'est à la cool. Mais si t'es mauvais toute l'année. Non, en français, tu peux rattraper. Dans les matières scientifiques, si t'as pas compris, si t'as pas suivi, c'est mort, c'est mort. Tu vas pas rattraper un an. Ouais, en français, tu peux encore t'en sortir même si t'as rien foutu de l'année, hein, globalement. Il suffit de pas. Faut être un peu malin, de savoir leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre. De réviser, de sortir 3 citations. Enfin, globalement, c'est des textes. Ouais, ah, quoi que non, c'est l'écrit, là. Les deux, l'écrit et l'oral. C'est l'écrit, c'est le 17 et l'oral, c'est le 29. Donc, alors, mon petit chouchou, je voudrais revenir sur un truc et Guéguette avait un peu raison. Comment on peut avoir 4 à l'oral? Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, j'ai été interrogée sur un texte que j'avais même pas étudié en cours. Oui, c'est les études de texte. En plus, mais en théorie, le texte, il te le donne avant. Mais oui. Bah c'est les... t'as vu l'année. Bah justement sur moi je l'avais pas parce que j'avais pas étudié, mais ils m'ont quand même interrogé vu que celle qui m'a interrogé, c'était vraiment une conne, on va dire, excusez-moi du mot, mais franchement c'était ça. Hein. Et elle aimait pas le Portugal? Je crois pas, non. Elle s'était fait arnaquer par un maçon. Laisse tomber, c'est une dana qui a eu une arnaque. Elle a vu qu'elle était d'origine portugaise. Elle a dit, toi, je vais te défoncer, toi. Ça, c'est pour mon carrelage qui est monté de travers. Bon, écoute, ma belle, je pense qu'à un moment donné, on a vanné, mais on n'a pas totalement tort. Je pense que le gros stress, c'est pour les gens qui sont ou très bons, qui visent une mention et qui se disent, oh là là, j'aurais peut-être pas tous mes points, ou ceux qui ont entre 9 et 11, tu vois, qui sont limite. Ouais, vraiment, t'es pas bonne. Comment je peux faire au moins pour aller jusqu'à 10? Allez, je demande pas un 4. C'est-à-dire que tu pars de bas quand même, t'es à 4. Donc, Faut argumenter de ouf en fait. Faut que t'argumentes. Mais déjà, à l'écrit, t'as le choix entre 3 trucs. Ouais, je crois. Faut prendre le plus simple. Ouais. Faut prendre le plus simple. Prends la dictée. Détends-toi, il faut te détendre. À l'oral, il faut être zen. Et faut pas raconter des conneries. C'est-à-dire, faut pas se lancer trop vite. Quand tu sais pas, tu dis pas. Ouais. Mais en théorie, quand je sais pas, faut bien remplir les pages. Du coup, moi, je dis ce que je pense, mais dans ma tête, donc je sais que c'est faux. Mais... Les citations, les anges et les Marseillais, ça compte pas. Ouais. Quand tu fais des citations, tu vois. Comme dirait Hilary des anges. Et comme a dit Amélie. Oh putain, il chaud le thé. Tu vois. Non, je sais pas ça. Non. Non, mais il faut. Non, mais par contre, si tu n'es pas sûr des citations, ne les dis pas. Et il y a rien de pire que d'en balancer qui sont hors sujet. Parce qu'à mon avis, pour te taper un 4, t'as dû être hors sujet. Ça veut dire non, je pense juste que la prof, elle m'a noté sur ma tenue, je crois, parce qu'elle aime pas les gens qui se mettent en jupe. Non, ma chérie, je vais te dire un truc, ça n'existe pas. Mais t'étais habillée comment? J'avais une jupe, une robe noire qui m'arrive jusqu'au genou avec une veste tailleur, mais la prof, elle a dit oui, faut pas mettre de jupe, surtout qu'il fait pas beau. Je vais me mettre en jupe, Mais ça, elle a dit ça peut-être pour te déstabiliser, justement. Non, mais c'est surtout qu'on s'en fout, elle n'a pas 4 parce qu'il est en jupe. Elle était sur son téléphone quand je parlais, elle était sur son téléphone. Tu devais être chiante alors. Elle soufflait à chaque fois que je parlais, quoi. Tu devais être vraiment hors sujet pour que la nana fasse ses SMS. Hein. Ouais. Non, même pas, elle a fait ça à tous les gens qu'elle a eu et aucun a eu la moyenne. T'imagines, toi, t'arrives, t'es prêt pour faire ton truc et tout, et la meuf, elle est sur les enfants, mais je trouve que quitte à avoir une épreuve blanc. Quelqu'un qui va te déstabiliser un peu, qui va pas te mettre dans du coton. Au moins, quand t'arrives au vrai, tu t'interdis tellement un truc énorme que quand tu... Bon, voilà, parce que t'en as des cons aussi, pardon, mes examinateurs. Moi, le mieux, c'est quand j'ai passé mon bac, j'ai passé allemand en deuxième langue. C'était une option. La nana, il y en avait 6 avant moi, elle a appelé les 6, aucun n'était là. Elle m'a dit, bon, à vous, alors comme une option, t'es pas obligé d'y aller. Ouais. J'ai parlé tout en anglais. À chaque fois, elle me disait, non, ça c'est anglais. Ça. I want. Non, ça c'est anglais. Ça. Je savais plus parler allemand et la nana m'a dit, 12. Mais non. Elle m'a mis 12 parce que j'étais le seul à être dans le couloir à attendre. C'est pas vrai. Ouais, comme quoi, les options, allez-y, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Je te fais un gros bisou, ma belle. Stresse pas, mais tiens-nous au courant, d'accord? Est-ce que je peux avoir une carte dédicacée? Allez, on te la fait, on te l'envoie à la maison. Je te fais un gros bisou, on aura Émile. Émile! Salut! Émile! Prenez un chewing-gum, Émile. Faut qu'on se parle dans un instant, Émile, de ton prénom, d'accord? Ouais, pas de problème. On en parlera, il y a des gens qui vont donner des conseils aussi. On aura Manon qui va s'occuper de ça. Allez, bougez pas, on est sur Énergie, j'espère que tout va bien. Voici Deoro! Lundi soir, exam, révision. Nous, on est là et j'espère que tout va. Oh, j'ai rimé. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Sino. Ouais, il y a un œuf ou la poule qui va passer là dans les jours qui viennent sur D8 et je suis avec Mehdi. Génial. Mehdi Sadoun. Mehdi Sadoun. Ah, quel kiff. J'adore ce mec. Énorme. Ah, mais j'adore ce mec. On avait fait une petite vidéo ensemble, vous vous souvenez, je l'avais diffusée. Va falloir que je vous la retrouve. Pour l'instant là, Émile. Salut. Émile, d'abord, première question, ce prénom. Mimil. Oui. Pourquoi ? C'est Brémil, c'est vachement courant en Norvège, donc comment tu t'appelles ? Pas le problème. Émile. Émile, c'est qu'est-ce courant, que tu fous et surtout, pardon, excuse-moi, personne n'a réagi, qu'est-ce que tu fous en Norvège? Moi, je suis étudiant ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ma mère est norvégienne et mon père est français. Ah, bah voilà. D'accord. Ah, mais sinon, je pense que c'est la seule raison. Sinon, tu pars pas en Norvège, hein, je pense pas. C'est bien la Norvège? C'est froid. C'est vachement bien. C'est vrai? C'est vrai que c'est bien, ouais. Ouais. C'est enfin, maintenant, ce qui est parfait l'été, c'est qu'il fait jamais nuit, quoi. Donc ça, c'est magique. Mais ça doit te rendre dingue, ça. Ça doit être bizarre. Moi, ça me ferait flipper qu'il fasse jamais nuit. Il fait jamais nuit. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait presque jamais nuit, donc le soir quand tu vas au lit, il fait encore un peu jour et c'est vachement agréable. Ouais, j'adore. Oh, c'est chaud, ah ouais, je kifferais moi. Mais la nuit, et 4h du 3h du matin, il fait jour, ça te dérange pas? T'en fous, t'as des volets. Non, c'est... mais justement, t'as des volets, t'as la nuit noire. Ah ouais, c'est fatigant. Mais c'est vrai que tu te réveilles le matin, t'as déjà un plein soleil. Il y avait un film qui était sorti comme ça, c'est avec De Niro ou Pacino, je sais jamais. Pacino il n'arrive pas à dormir. Il va enquêter sur un truc et le mec à la fin il devient dingue. Ah ouais. Justement, ouais, il n'arrive pas à dormir. Je sais plus quelle heure il est en fait. C'est une tuerie. Il est pas en Norvège, il est aux États-Unis là, tout en haut là. Aux États-Unis? Oui. Non, c'est pas en Suède ou... Non, il est ah, aidez-moi. En Alaska, tout en haut. Ah, et en fait, voilà, il arrive pas à dormir et en fait, c'est lui qui a tué et à la fin, il craque parce qu'il a plus de sommeil. Ah ouais. Et il préfère mourir et se faire buter que parce qu'il veut dormir à tout prix. Je viens de vous raconter la fin, ouais, c'est, ce que je c'est donc lui sympa, qui a tué. Alors vas-y mon pote, raconte-moi. Ben voilà, en fait, moi je suis là pour donner des conseils pour je sais plus comment elle s'appelle, la petite portugaise qui passe pour son bac. On a tout, hein, on a de la Norvège, on a du portugais, on a de tout là. Attention mon gars, petite pause de seconde musicale. Je vous avais dit que je vais avoir trouvé la vidéo avec Mehdi Sadoun. Je vais vous la mettre, écoutez, vous êtes prêts? Vas-y. C'est un petit moment d'impro, si vous avez regardé hier soir, j'ai zappé, j'ai maté les Kaira. Oh, fais chier avec tes SMS, toi. Moi la paix. Attention. Les gars, attention. Ouais, je sais ce que je regarde. Mais je regarde comme à ce Ouais, parce que c'est mon bouton, il est là. Chanson improvisée. T'es prêt ou pas? T'es mon bébé. Je kiffe ce mec. Bon, vas-y, excuse-moi. Alors, les conseils pour la demoiselle portugaise, toute l'Europe nous écoute, on t'écoute. D'accord, le plus important d'abord pour commencer, c'est d'avoir un aperçu sur ton sujet ou en fait la matière en général. C'est-à-dire, tu peux pas commencer tes révisions sans savoir ce que tu as appris cette année. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et après, ce que moi je conseille, c'est déjà réviser régulièrement, prendre un stabilo et surligner les mots-clés importants. Et éventuellement, ce qui peut fonctionner, c'est de mettre des post-it dans la chambre où tu marques, je sais pas moi. Ah, c'est pas con ça. Citation. Les trucs que t'arrives pas vraiment pas, ou quand tu bloques sur un truc, tu te mets des post-it partout. Mais de toute façon, la technique qui consiste à faire des fiches, sais pas s'il y en a dans le public qui des fois fait des fiches. Quand tu te fais chier à faire une fiche, tu t'es tellement emmerdé à écrire ta fiche que souvent tu t'en souviens. C'est vrai. Parce que tu le réécris une ou deux fois. En théorie, tu t'en souviens. La lecture, ça, à un moment donné, ça te passe par la tête et tu oublies complètement l'histoire. Mais tu lis un cours avant de te coucher le soir, quoi. Et ça te rentre automatiquement. Ouais, mais la des tête. Fois, il suffit que tu penses à un autre truc. C'est tu te lis 4 pages d'un truc et à la fin de la 4e page, tu te dis, je me souviens pas d'une ligne de ce que je viens de lire. C'est ça, moi, sérieux, ça, les mecs. Pareil, mais grave. J'avoue. Moi, bon. Je disais machinalement, mais sans. Tu vas passer quoi comme exam, toi? Moi, je vais faire. Je fais une fac de droit et sciences politiques, donc demain, c'est en politique. Mais en norvégien? Non, rien, en norvégien. Wow. Oh là là. Parle-moi norvégien. Ah, mais il est bilingue, du coup. Bah oui, je suis trilingue même. Vas-y, parle-moi norvégien, trilingue. Arrête. Ah, il s'appelle là. Tu vas arrêter. Toi, tu vas arrêter de nous balancer ton truc à la gueule parce que ça commence à nous saouler. Tu parles quoi, français, norvégien, anglais? Ouais, j'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. Allez, on y va. Allez, t'as vraiment que ça à foutre. Hein. Vas-y, parle-moi en norvégien. J'ai envie d'entendre ce que ça donne. D'accord. Så jag heter Emil och jag bor i Norge i en by som heter Trondheim. On est pareil. On parle pas flamand. Tu nous as dit quoi là? Une pub ma femme, c'est un saumon. Je me suis présenté donc. Ah, tu t'es présenté, d'accord. Ouais, j'ai dit où j'habite. Essaie de dire j'écoute Koé tous les soirs de 19h à 22h sur Énergie. Verkväll hör jag på Koé på Energy. Från 19.00 till 22.00. C'est un truc de ouf. Je préfère l'entendre en version française, ce jingle. D'accord, bon, je te fais un gros bisou, on passe tout le monde en Norvège, mon pote. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée? Eh bien, ouais, je m'en fais pas. À bientôt. Ciao, mon gars. Faut que je parle en verlan. Je vais essayer de mettre le truc sur. Je vais parler à l'envers. On va essayer de faire des trucs sur Snap. Sur Koyoff. Ah, dans un instant, Manon. Tu bouges pas, Manon? Non. Manon, t'es toute stressée. T'es allée voir quelqu'un qui t'a prescrit des trucs pour te déstresser. Que lui a-t-il prescrit? Non, ça n'est pas des pétards. Non, ça c'est pas bien. Ah, tombez pas dans le délire. Hein. Ah non, ça sert à rien. Le pétard avant les examens, à oublier direct, ça va pas vous aider. À tout de suite. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans débarquer chez vous cette semaine avec Kev Adams. Si vous vous êtes inscrit sur énergie.fr, tenez-vous prêt entre ce soir et dans 3 mois. Entre ce soir et jeudi. Bah si, on va vous aider. Entre ce soir et... Ça fait 3 jours. Entre ce soir et jeudi, je débarque peut-être chez vous avec Kev. Ouvrez-nous si c'est nous. Si c'est nous, ouvrez-nous. A tout de suite. Vous voulez les dernières places pour le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 jeudi soir, au pied de la Tour Eiffel. En direct sur TF1 et Énergie. David Guetta pour un show historique. C'est David Guetta sur Énergie. Rendez-vous maintenant dans les billetteries Fnac. Le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 avec David Guetta, jeudi soir à 22h50, en direct sur TF1 et Énergie. Alice la présente. Bonjour, Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Salem. Alice, tu es revenue. Chapelier. Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Thaoué, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir, produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma, avec Énergie. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc ? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25€ d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France ! Le Mont Ventoux, ses côtes abruptes, sa chaleur étouffante, une expérience sensorielle entre épuisement physique et déshydratation. Amateur de défis, risquez la chute libre à flanc de montagne et plongez au cœur d'une nature vierge et épineuse. Tour de France, suivez le guide dans Vélo Magazine. Équipe, favoris, étapes, tout ce qu'il faut savoir sur la grande boucle est dans Vélo Magazine. Et en cadeau, le poster du Tour. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Dance Hit 2016. Tous les hits sont réunis sur 2 CD. Avec en exclu Imanu, Gongs, Sia et Sean Paul, Théoro, Souf, Aluna George, J Balvin, DNCE, Pitbull et Makassi, Mike Posner, Alan Walker, Sarah Larson, Bob Sinclair, Matev, Julian Beretta, Cheat Codes. La compil Énergie Dance Hit 2016. Déjà dans les bacs. Leclerc. Wow, maman, c'est quoi tous ces packs d'eau ? De l'eau minérale naturelle des Alpes Tonon à 6€ les 4 packs chez Leclerc. Ah ouais ? En plus, c'est un produit partenaire du jeu La Ligue des supporters. 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un maillot de foot pour ton père. Non, cool ! C'est parce qu'il y a des produits dont on ne veut pas manquer que du 1er 11 juin chez Leclerc, les 4 packs de 6 bouteilles d'un litre 5 d'eau minérale naturelle des Alpes Tonon sont à 6€, soit 17 centimes le litre. Voir modalité dans les magasins participants. Elle est super bonne cette eau minérale. Elle a le bon goût des Alpes. Music only. Earth. and gentlemen. Dans un instant, restez avec nous, il y aura un dossier très chaud. Dans un instant, imaginez, je peux pas vous en dire plus parce que... Mais enfin, je vais quand même essayer de... Imaginez si maman... Ouais. On est d'accord. Maman. Imaginez si maman jouait dans un porno. Oh. Et vous l'avez découvert. Ah, c'est horrible. Ah là, et tu te finis au moment où tu vois la vidéo de ta mère. Arrête. Et je vous en dis pas plus, on en parlera dans un instant avec un auditeur à qui c'est arrivé. Oui. Cette histoire, elle est hallucinante. Dans le public, il y en a qui ont passé des examens là dans les semaines qui viennent ou pas? Il y en a dont les parents ont fait du porno. Mais non, je parlais examen. Passe-lui le micro, Guillaume. Ça va être quoi, mademoiselle? C'est le bac. Bac, ouais, bac quoi? Prochaine. L. L, ouais. Ça va aller, non? Ouais. T'as combien de moyenne là dans l'année? 13. Ça va? Ça va. Ouais, c'est bon. Tranquille. Ouais, ça tranquille, va. Je pense. Bah, en L, par contre, faut faire juste gaffe à la philo. Quoi. Ouais, c'est le truc où si tu te foires, tu peux dire au revoir à tout. J'ai halluciné, il y a blindé de mentions maintenant. Ah bon, ça, il n'y en a plus que 3. Mais de résultats avec pension, de bac, il y a 60, il y a 40% ou 35% de mentions. Oh, arrête de me dégoûter de ça parce que j'en ai pas eu. D'accord, il n'y en a pas d'autres qui passent l'examen. Moi non plus. Ah, si, le jeune homme au deuxième rang, tu passes quoi toi? Le brevet. Ça va aller ou pas? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Elle est dans les, en plus, là, tu peux même l'avoir avant de le faire, avant de le passer. Le brevet. Bon, Manon, raconte-moi un petit peu. T'habites Rouen, t'es stressée, t'as quoi comme examen qui arrive? Un bac, le bac S. Oui, il est chaud, celui-là. Pire, hein. Ah, celui-là, il est bien. C'est celui que t'as eu, non? C'est celui que j'ai fait, ouais. T'as passé les probas ou pas? Bah là, j'ai déjà passé des épreuves. Ouais, oui, j'ai passé. Est-ce que les probas, c'est toujours au programme en maths? Bah oui. Ah oui, c'est toujours au programme. J'ai jamais compris. Les probabilités. Mon cerveau, tu sais quoi, il s'est fermé au début du cours sur les probas. Mais je crois que c'est pas ce qu'il y avait de plus dur. Non, c'est pas le plus dur. Pourtant, c'est un des chapitres les plus faciles. C'est là où je me suis vautré et c'est là où je n'ai rien compris. La chance qu'a le D de tomber sur le 6, combien? Je n'en ai rien à foutre. Ouais, vous avez un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que vous tombiez sur le... Ah là là là là là là, ça me rend ouf ça. C'est vrai que ça sert à rien à part au poker. C'est bien pour jouer au loto. Ouais, bah, jouer au poker, ouais. Je me suis tapé une tôle, je n'ai pas l'esprit au proba, je comprends rien du tout. Bon, donc, est-ce que t'es stressé toi? Oui, très. Qu'est-ce qu'on t'a prescrit? Bah, j'ai été voir le médecin et il m'a prescrit de l'homéopathie. Ah, carrément. Ah oui, ouais. Carrément. Non, mais on t'a prescrit quelque chose. C'est des plantes, vas-y, suis des ordres. L'homéopathie, tu risques rien avec, heureusement. Ah non, c'est pas grave. Non mais souvent, faites attention aux médocs qui se vendent les trucs là, ils vous font de la pub avant examen, les laroscorbines, je sais pas quoi, ils vous demandent de faire des cures d'abord parce que ça se prend, je crois, genre 2 mois avant. Ouais. Donc si vous y prenez 3 semaines avant, ça ne sert à rien, le produit sera pas efficace, c'est que des plantes. Donc ça marche pas, faut faire ça bien longtemps. Le Nobiol, ça sert à rien non plus, vous serez bronzé cet été, mais... Vous n'aurez pas votre bac, mais vous aurez des bonnes couleurs. Il y a perte de cheveux aussi, si tu trompes. Non, mais c'est vrai, il y a des fois des médocs qui se vendent, ça pue un peu l'arnaque, quoi. Et parce que voilà, ça marchera pas. Mais bon, ça te fera pas de mal l'homéopathie, ça va te détendre. Parce que, savoir une chose, oui, hein, voilà. Les médicaments qui stimulent le cerveau ou la mémoire, ça n'existe pas. Hein. C'est vrai qu'il y en a plein. Ça existe. Les trucs de vitamines. Ça existe pas. Y a pas ça s'appelle la cocaïne, mais c'est pas bien. Non. Il y a pas de molécules qui viennent dans ton cerveau et qui te font intégrer les trucs. C'est non, limitless. La pilule pour parler anglais au bout d'une semaine, non, c'est pareil. Arrête tes conneries, c'est faux ça. Moi, je l'avais essayé. Je l'avais acheté sur le marché noir. La pilule pour parler anglais, bien sûr que oui. Mais vous avez cru à ça? Mais j'étais totalement bilingue. Mais non. Et bien sûr. Et c'est comme ça qu'il n'a pas acheté la bague des probas. C'est n'importe quoi, les gars. Bien sûr que si, Julie. Mais oui, la bague des probas. Mais oui, bien sûr. Il y en a à Clignancourt. Attends, j'avais la chaîne de l'orthographe que j'avais achetée. Je la mettais autour du cou. La chaîne de l'orthographe. Plus une faute. Je devais acheter. Attends, je ne me suis pas fait avoir. S'il y a bien un mec qui se fait pas. Demain, tout le monde va chercher la bague des probas et la chaîne. Non, mais Manon, c'est bien l'homéopathie. Ça va te détendre un peu. Mais c'est que des plantes, trop, hein. Mais... C'est que des plantes, hein. Si t'as, oui, tu risques rien avec ça. Ça marche bien. Ça te fera pas de mal. Mais tu trouves quoi? Moi, je trouve l'homéopathie, ça marche bien. Ouais, ça marche les gens bien qui y croient, ça fonctionne, et les gens qui croient pas. Pourquoi? Alors, un truc, c'est l'aromathérapie, sinon. Et c'est quoi ça? La phytothérapie. Ah oui. C'est les huiles essentielles, c'est ça marche bien. Ouais. Oui. Les plantes pour quand tu veux dormir zen, mais machin et tout, justement, pour te calmer. Toi, t'étais pas montant en aromathérapie, hein, t'as pété tout le week-end. Hein. Tout le week-end. Dès que tu te posais sur Julie, tout le week-end. Entre lui et Guéguen. tête, quoi. Et, non, mais alors, excusez-moi. Alors, l'horreur. Je suis d'accord avec ce que vit Julie. Les mecs, vous êtes des péternés. Non, c'est pas ça, Guiguette. J'ai jamais vu ça. C'est vrai ? Le mec, tu fais une discussion sur une terrasse, t'es à la cool, et lui fait non, parce que. Pardon. Et donc, non, les gars, vous avez, j'ai jamais vu ça. Vous vous retenez même pas, quoi. Bah non, on est entre nous. Mais entre vous avez, nous, et vous moi avez, je suis nana, le respect, il est où les gars? Vous avez des boxeurs en téflon ou quoi? Vous êtes comment? C'est dans quel état la fin de la journée? C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est une. C'est maison c'est un, bleue. C'est juste sonore, tu vois ce que je veux dire? C'est. Ouais, y a pas d'odeur. C'est sonore, c'est bien sûr. Bien sûr. Il n'y a jamais d'odeur. Ouais, prends-moi pour un. C'est pour l'ambiance, c'est vrai? Bien sûr. Oui, tu fais, moi, il y a d'odeur. Si t'en fais un dans la journée, là, ils sont vénères. Alors que si t'en fais toutes les 10 minutes. Votre théorie, elle est pourrie. C'est vrai? Manon, ça va aller. C'est quand l'examen qu'on passe en toi? Là, du coup, ça recommence mercredi avec la philo. Ah, mercredi là, après-demain? Oui. Dans une semaine. La veille de mon one man, ça va te porter chance, je te le dis. J'espère. Ça va te porter bonheur, je te le dis, ça va aller, je penserai à toi le lendemain. Je te fais un gros bisou. Bisous, Manon. Gros bisous. Pète un coup. Bisous, ma chérie, ne pète pas, Manon. Ah, bah ouais, c'est ça. Vas-y, fais ta dédicace, ma belle. Une dédicace à Pierrot, Clo-Clo, toute ma famille et mes amis. Et je t'embrasse. À bientôt, il y a un gros merde. Gros bisous. Merci. Non, faut pas dire merci. Ça porte malheur. Oh, c'est fini, t'auras pas ton bac. C'est horrible, ça sert à rien que tu ailles. C'est mort. C'est mort, t'as dit merci. Allez, bisous. Ouais, c'est Charlie Black sur Énergie. My girl come flip it like a flippagram. Flip it like a flippagram. Make your bumba flip like a flippagram. Flip it like a flippagram. Flip it like a flippagram. Y'all wind up on my body. She come back for more. She take off the shoes and pon the dance floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I you me adore, so fine up on my body, girl. Le clip de Zouboulou va arriver. Bon, mais pour l'instant, l'heure est grave. Et l'heure est grave. Là, je vais vous lire quand même un truc. C'est lui. Ça fait 2 ans que je parle plus à. Ouais, oui. C'est lui. Ça fait 2 ans que je ne parle plus à ma mère. Alors, vous vous dites, mais pourquoi ? On en a un peu dit. T'as un peu balancé le dos. Jérémy, 25 ans, dans le Nord. Comment ça va, Jérémy ? Ça va. Ça va, mon pote ? T'es en forme ? Ouais, ça va. Alors, tu ne parles plus à maman. Pourquoi ? Parce que maman a fait une vidéo avec Jackie Michel. Maman a fait une vidéo Jackie Michel. C'est pas une vanne. Hein. C'est non, pas une vanne. Alors, on a tout vérifié. Alors, je viens de la voir, la vidéo. Ouais. Et moi j'ai les profils Facebook. Tu t'es renseigné quoi. Oui, maman public, gourmande, public, quoi. C'était ça qu'on faisait pendant 5 minutes. Là, on était très. Et c'est ton côté journaliste ça. C'est mon côté investigation. C'est mon ça, côté 50 voilà. minutes inside maman. C'est mon côté. 50 minutes inside maman. Non, c'est comme ça. Je suis. Ta maman a fait un Jackie et Michel. Donc en plus, les pornos les plus classes du monde. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Merci qui ouais. Merci Jackie et Michel. Elle le dit 3-4 fois dans la vidéo. Ah. De là, Loris nous a montré les vidéos de la maman de son ex qui a fait aussi un Jackie et Michel. Elle dit donc, on en connaît. Alors, comme ça, on a une belle équipe là. Hein Newporn. Hein, elle est pas mal, maman, la maman de Lex. Mais même Lex est pas mal. Surtout. Hein. Ouais, mais la maman de Lex, elle est pas mal non plus. Ouais. Bon, comment t'as découvert que maman elle fait sur Jackie et Michel ? T'es tombé dessus ? J'étais chez mon beau-père ce jour-là. Et comment dire ? Mon beau-père, il parle à ma copine tout seul, mais il dit ouais, t'as vu ce qui paraît, il y a la mère à moi, quoi. Qui est sur Jackie Michel. Et du coup, ma copine, elle a été vérifiée. Du coup, elle a regardé. Puis, en fait, je l'ai su par mon beau-père. Quoi. Et y a j'ai vu ta mère sur Jackie Michel. Mais il n'y a qu'une vidéo. Il ne faisait pas me dire. Il a dit à ma copine. Après, ma copine, elle m'a fait voir la vidéo. J'étais choqué. Non, mais il n'y en a qu'une. Il y en a d'autres qui sont. Il n'y a pas qu'une bite, hein. Moi j'en ai vu plusieurs. Il y en a d'autres qui sont en cours. Maman, une barre. D'abord, excuse-moi, voyons le bon côté des choses. Maman aime la vie. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Maman profite de la vie. Maman, je l'ai vu. Elle sourit dans la vidéo. Elle a l'air heureuse. Ah, elle est très heureuse. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Voir avoir une maman dépressive dans son canapé ou une mère heureuse chez Jackie et Michel ? C'est dégueulasse. Ouais, je sais. Et tu seras tranquille parce que vu la fin, t'auras pas de petit frère ou de petite soeur. Ouais, parce que vu la fin, voilà. Ouais. Non, mais le mec qui est dans la vidéo avec elle, c'est son mec dans la vie ? Les mecs, ils sont 7. Non, mais il y en a un qui l'accompagne. Ouais, c'est mon beau, on va dire entre guillemets mon beau-père, quoi, malheureusement. Mais c'est fait avec le consentement. Ouais, mais dis-toi que si c'est ça, ce n'est que la face émergente de l'iceberg, tout ce qui se passe, tout ce qui doit se passer autour. Est-ce que tu te doutais que maman était un peu, pardon, hein, j'ai trouvé le mot, mais un peu chaude, un peu libertine. Est-ce que le délire c'est que maintenant mes parents sont divorcés. Au fil des années, quoi, elle a rencontré ce bonhomme-là, mon beau-père. Il a l'air très sympathique. Hein, tu m'as envoyé des vidéos, des photos. Excuse-moi, il a l'air sympa. Il a l'air, mais il n'y a pas le ressenti. Qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, lui, il commençait à l'entraîner à aller en boîte d'échangisme, en fait. C'est lui qui l'a engrainé, quoi. Ouais. Ouais, voilà, en fait, c'est lui qui. C'est qu'elle voulait aussi, au fond. Ah oui, il l'a chauffé pour y aller aussi, quoi. Elle est grande, maman, non ? Elle est assez grande pour dire oui ou pour dire non. Quel âge elle a ? Elle est contente sur la vidéo. Quel âge elle a ? 48. Ouais, c'est marqué sur la vidéo. Arrêtez, c'est pas drôle, il le vit trop. Et elle a gardé son vrai prénom sur la vidéo ? Dis pas de prénom. Il y a juste une lettre qui est modifiée. Ouh, bah alors si j'ai dû changer une lettre, effectivement, ça change tout. En plus à la fin. Mais tu lui en as pas parlé du tout en disant maman, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais sur Jackie et Michel ? Bah si, elle est contente. Elle est contente. Ah non, mais alors c'est ça le but. Ah non, mais c'est ça le plus drôle. C'est pas genre elle a été gênée 2 secondes, elle t'a dit bah ouais alors. Elle a posté la vidéo sur Facebook et Non, quand je lui ai dit, je dis ouais alors. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais sur. Elle était choquée, hein. Elle était un petit peu choquée, mais après, après elle a rigolé. Mais tu lui as pas dit pour tes enfants et tout ? Mais attendez, vous avez. Moi, en fait, c'est pour ça que je vous en parlais, parce qu'en fait, moi, comme j'habite dans un petit village, tout le monde le sait. Mais regardez le nombre de vidéos qu'il y a sur Jackie et Michel ou dans les autres. tous ces gens-là, c'est forcément des gens qui ont des enfants. Ouais, ils ont des familles. Ah, oui. Qui ont des familles. C'est pas le premier à qui ça arrive. Mais quoi. Je suis d'accord. Mais enfin, si c'est ta fille, imagine. Vous avez pas ce que vous comprenez pas sur. Ah, puis que ce soit ta fille même. Oh, non, mais attendez, personne ne force personne à tourner dans ces trucs-là. Ils le font parce qu'ils ont envie. Ils sont grands. Ils n'ont pas 16 ans. Ils n'ont pas 15 ans. Ouais, puis ça, c'est que ça public. Mais non, mais elle le sait très bien, sa mère, qu'elle avait une caméra autour et 8 zizi dans la bouche. Pardon, hein, excuse-moi. Hein. Non, mais encore, je veux dire... le pire, c'est qu'elle aurait fait ça qu'avec son copain, encore. Bon, ça aurait passé. Ah, dis-toi qu'elle l'a fait avec son copain et le copain de son copain et le copain de son copain de son copain. Ouais, ils se connaissaient pas. Ah, hein. Des inconnus. Ouais, mais. Je connais pas. Moi, je pense que ta mère, ça l'a fait marrer. Ceux qui font des vidéos sur Jackie Michel, ils savent très bien que tout le monde va les voir, y compris peut-être les voisins. Ah, mais tes enfants, ouais. Pense à tes enfants quand tu fais ça. Pour mes enfants, quoi. Franchement, tu penses à tes enfants. T'as des enfants, toi? Ouais. Comment ils l'appellent, Mamie Gang Bang? Mamie Cochonne. Non, mais tu vois, t'imagines. On va aller voir Mamie tous. Et on l'appelle pas comme ça. Ils disent jamais aux enfants, on dit merci qui. Tu vas dire quand tu remets un cadeau, on dit merci qui. On m'a dit de pas dire Jackie Michel. Ah non, mais c'est. Oh ouais, non, mais je comprends. Hein. Je comprends que ça doit faire un choc. Imagine s'ils tombent dessus, les petits enfants et tout plus tard après. C'est bon. Ouais, puis le pire c'est que bah, comme je lui parle plus, en fait, j'ai plus de contact avec. Mon père, lui, il a encore des, on va dire vite fait des contacts avec. Et il y a pas longtemps, on avait une photo de lui, son copain, mon beau-père. Avec, il y avait sa tête sur la photo avec plein de billets de 50 euros, plein de billets de 100 euros. Et elle a envoyé ça à mon père, elle a dit, tu diras à tes enfants qu'ils ont perdu beaucoup. En fait, elle essaye de pour qu'on revienne vers elle. J'ai eu peur, j'ai vu mon père sur un site gay. Je me suis dit, ça fait beaucoup là quand même. Non, mais elle montre qu'elle gagne de l'argent avec ça. Et que... Mais non, tout, elle gagne mais c'est quoi le délire alors? Pourquoi elle met de l'argent? Ben, je ne sais pas, on ne sait pas. C'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais déjà une actrice Bonnage de chez Bonnage, des Pays de l'Est, qui a 20 ans, elle gagne 350 ou 500 euros, pardon, mais bon, une vidéo Jackie et Michel. Non. Mais ils ne sont pas payés, les gens, je crois. Tu gagnes un fond de teint, éventuellement. Bah, ils sont payés. Ah, bon, ils sont payés. Ce qui paraît, ouais, ils sont payés. Parce que d'après ce que j'ai entendu, ils étaient payés. Ah bon ouais, non, pour faire une vidéo. Ouais. Ça doit être moi, je sais pas, c'est ce que. Bah, peut-être, hein. En liquide, alors. Liquide naturel. Écoute, moi, tu veux que je te donne mon avis ou pas? Bah ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'il appelle. Moi, je pense que c'est une connerie de te brouiller avec ta mère pour ça. Ah oui. Parce que attendez, les amis, que tu sois en colère, tu vois la vidéo, t'es en colère. Ta colère, elle reste 2 mois, 3 mois. Il y a un moment, ça reste ta mère, elle a envie de s'amuser, ta mère, elle a fait un truc de cul. Et alors, ça reste ta mère pour autant. Ça devient pas. Il a pas 16 ans, quel âge tu as? 25 ans. Oui, il a 25 ans, il fait sa vie, il la démarre, sa mère, elle a le droit d'avoir une sexualité, un délire, pardon. Il aurait 14 ans ou 13 ans, il serait à l'école, ce serait la honte devant les copains, je veux bien l'entendre. Il a 25 ans, il vit plus chez maman, si sa mère, elle a fait un truc de cul, je dis pas que c'est bien, mais je dis que ta mère, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et à un moment donné, se brouiller et ne plus parler avec sa mère pour ça, franchement, je trouve ça con. Ouais, mais il en prend plein la gueule, c'est un petit village, tout le monde lui fait des réflexions et tout. Tout le monde vient te voir, bientôt ils sont deux d'autres t'insulter. Et alors, parce que tu lui parles plus, ils vont plus venir te voir? Ça va changer quelque chose? Ça change rien? Non, moi, tous ceux qui ils me parlent toujours, mais bon, c'est la honte quoi. Mais dites-vous que ça vous fera une vidéo à diffuser pour ses 70 ans quand vous serez en famille, tout le monde réuni. Mais oui, et vous la regarderez avec une larme à l'œil. Tu sais, vous la regarderez avec une larme à l'œil, vous direz, elle avait la pêche à cette époque. Bah là, c'est ma mère. Là, je la reconnais bien. Vous pourriez vivre avec ça, vous? Imagine, tu vois, dès que tu croises ta mère, comme ça, avec tous les zizi qu'elle a autour, en plus, il y en a beaucoup. Non, mais tu es habitué, je crois. Alors, juste, tu l'as regardé dans la vidéo? Quand même. Intéressant, ça. Tu l'as regardé la vidéo? Si tu me dis que t'as eu une érection, tu sors immédiatement. Ouais, je me suis tapé une queue et tout, t'as vu? Bah non, il est pas regardé. Non, mais sérieusement, tu l'as regardé ou pas? Bah, j'ai regardé quand ma copine m'a fait voir, elle m'a dit, regarde, il y a ta mère. Et j'ai regardé, en 3 fois la vidéo. Ah quand même, 3 fois pour être sûr. Non, mais je veux dire, je l'ai regardé, voilà. En coupé quoi, t'allais vomir entre les deux. Moi je peux vous raconter. Quand je l'ai vu, j'avais les larmes aux yeux. Ah, tu m'étonnes. Moi je peux vous raconter un truc. En plus, chez mon beau-père, quoi. Imagine, En famille, quoi. Moi, je peux vous raconter un truc qui remonte à il y a quelques années. Donc, il n'y avait pas encore le net et machin. Tu avais des magazines porno, etc. Tu n'avais que les magazines et Canal quand tu voulais voir un film ou des cassettes vidéo. Ouais. Et je connaissais une demoiselle, mais je vous montre ça il y a très longtemps, et qui n'avait pas dit à sa famille qu'elle faisait du porno, mais en porno Marc Dorcel, du porno sérieux, tu vois, qui était dans un petit village et son père l'a découvert, pardon l'expression, mais en se branlant sur Canal. Ah là là. Son père se tapait un porno comme beaucoup d'hommes peuvent se taper un porno à minuit quand il y avait ça sur Canal. Et d'un seul coup, il voit arriver sa fille à l'écran. Mais je la connais. T'imagines. Et alors là, je vous confirme qu'il n'a plus parlé à sa fille pendant très longtemps. Et ah oui, mais et elle avait ça marcherait pas dans ce sens-là et pas dans l'autre. Parce que c'est. Il a été choqué aussi quand il a vu la vidéo. C'est pareil. Ah, il y a des SMS qui nous dit chez Jacques et Michel, ils payent. Oui, mais ils payent le droit à l'image. En fait, ils doivent te payer. Ils te payent pas un gros salaire. Ils doivent te payer un cachet. Où ils te disent, tu prends 300 euros, c'est pour nous céder les droits. Ils n'ont jamais réclamé la vidéo. À mon avis, c'est ça. C'est de dire que si la vidéo fait 12 millions de vues, jamais tu iras voir Jackie Michel en disant ça, je veux de l'argent. Savoir, ça fait combien de vues une vidéo sur Jackie Michel? Ça peut aller haut. Il y en a des 3 millions et demi, 4 millions. Hein. Si c'est des lesbiennes, ça marche plus. Ah, mais je te jure, hein, je te ferai un toc-toc-toc Jackie et Michel dans le 4x4. Mec, hey, ta mère a 2,7 millions de vues. Brah. Ah ouais, t'es une youtubeuse en fait. Une youtube. Des tutos, des tutus. Alors il y a un SMS qui dit: bonjour Coé, je tourne souvent chez Jackie et Michel mais avec non, mon copain. Appelons-le. Et ça ne nous pose aucun problème et nous sommes payés. Nat, c'est une jeune fille. Ah, appelez-la, appelez-la. Elle n'a pas laissé son numéro. Nat, laisse ton numéro de téléphone si c'est vrai. Ça restera entre nous, on t'appellera. Et voilà, il n'y a rien. Il y a rien. On a les GoPro qui traînent. Non mais c'est vrai, on rigole, mais il faut oser tourner une séquence porno, être filmé, bon ça c'est chacun son délire. Mais surtout, tu sais qu'à un moment donné, la vidéo, quand les mecs te disent go, fou, elle part dans le monde entier. Ouais. C'est pas où ça va, quoi. Et puis aujourd'hui, quand ta vidéo elle est sur le net, c'est mort, hein, parce qu'elle est reprise plus. De chez reprise dans tous les sens. Ouais. Hein. Ah, tu peux plus refaire tirer des. Ah, non, c'est le pire. C'est que ma soeur lui parle plus non plus, du coup. Moi et ma soeur, on lui parle plus. Mon frère, on ne sait pas. Ils ont quel âge, tes frères et soeurs? On en reparle dans un instant, Julien. Okay. On en reparle juste après. Dans un instant, on aura quoi? On aura une petite nouveauté qui vient d'arriver tout chaud. Exclu. Ah, restez avec nous, découvrirez un truc. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au Champ de Mars, le 9 juin, avec Energy. Sur scène, en direct, sur Energy et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Disney présente Alice de l'autre côté du miroir. Cette année, Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, ça recommence. Pour sauver le pays des merveilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas devoir sauver la famille du chapelier. Ce n'est pas impossible. Tout juste pas possible. Le temps sera compté. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Jeune fille, vous avez fait votre temps. Alice, de l'autre côté du miroir, produit par Tim Burton. Actuellement au cinéma, avec Énergie. Le Mont Ventoux, ses côtes abruptes, sa chaleur étouffante. Une expérience sensorielle entre épuisement physique et déshydratation. Amateur de défis, risquez la chute libre à flanc de montagne et plongez au cœur d'une nature vierge et épineuse. Tour de France, suivez le guide dans Vélo Magazine. Équipe, favoris, étapes, tout ce qu'il faut savoir sur la grande boucle est dans Vélo Magazine. Et en cadeau, le poster du Tour. Énergie, it's music only, avec Muse en concert. Hi, this is Muse on NRJ. Ne manquez pas le groupe superstar Muse le 28 juin pour un concert exceptionnel à Paris au pied de la Tour Eiffel. Infos et réservations, énergie.fr et points de vente habituels. Muse, en concert, un événement Énergie et M6. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'Emmental râpés dans le frigo? C'est de l'Emmental râpé français extra fin entre mont au lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'Emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça, le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, bougez plus.

Le drame. Jérémy a découvert sa maman dans un Jackie et Michel. Alors, pas notre Jérémy à nous, hein. Oui, non. Et là, on est embêté quand même pour toi. Écoute, j'aurais bien voulu que tu fasses un petit truc, en fait. Une apparition sur le prochain. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je sais pas si toi, t'aurais pu l'appeler, en fait. Appeler qui? Appeler ta mère? Pour recoller les morceaux? Ouais, pour essayer de. Si ça a séché, les morceaux, vous pouvez coller. Un co-négociateur. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, tu négocies. Je négocie qu'elle aille chez Marc Dorcel? Qui se reparle, quoi. Bah, que pour son contrat. Tu veux que je renégocie du blé? Non, mais tu veux lui pardonner ou pas? Non, mais pour s'expliquer. Je sais pas comment dire, quoi. Bah vas-y. Pourquoi elle a fait ça, quoi? Pour qu'elle ait un pied de temps. Remarque, on peut l'appeler, c'est intéressant. Hein. Pour le coup, on saura combien elle a été payée. Oui, qu'on le fasse ce soir. Demain. Alain n'a plus le temps, il y a Guillaume derrière. Ouais, mais ça fait bizarre demain, sorti du contexte comme ça en disant on appelle maman. Bah, on cinéma, est-ce qu'elle va répondre en plus? C'est maintenant que ça se. C'est maintenant que ça se fait. Allez, on tente. Allez, on y va. On a pas le numéro, attendez. Bah, il va le donner, demande, bouge pas, mais t'es pas fine, toi. Tout le monde là. Ah là là, tiens, t'es tout pas. Tout le monde là. C'est incroyable. Et à partir du moment où on a le numéro de maman. Tiens, pendant ce temps-là, on fait le double hit. On va appeler quelqu'un qui a envoyé des SMS au 611-12 pour être invité. Carré or pour le lancement de l'Euro. Ouais. Avec David Guetta. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? C'est Koé? C'est Koé? Ah, trop bien! C'est quoi le prénom? Non, mais quoi? C'est Sarah. C'est Sarah? Bonjour Sarah, t'habites où? À Perpignan. Oh là là, ça va coûter cher en billet d'avion, ça. En plus, avec ou en billet de train avec la SNCF qui marche pas. En plus, ça va être un bonheur. Pars maintenant. Ouais. Loue une voiture tout de suite. Je prends le vélo et j'y vais. Comme ça, je suis pas de pénurie d'essence. Rien. Ma chérie, écoute-moi bien. Tu es invité carré or sous la Tour Eiffel. Bisous, ma chérie. Je t'embrasse fort. Merci, vous êtes les meilleurs énergies. Ouais. Bisous, ma puce, t'embrasse fort, bisous, à bientôt. Merci. Gros bisous, attention, Jérémy, sans transition après David Guetta, ouais. Jackie et Michel. Mmh. Rien à voir, on appelle maman. Allez. Mais tu veux lui parler un peu? Bah, je sais pas, faut voir comment on va réagir déjà. Bah, je lui dis quoi? Je lui dis que tu veux lui parler. Que tu regrettes un peu. Bah, non, mais pour. Mais nous, pourquoi elle a fait ça, surtout bien. Pourquoi elle a fait ça? Elle n'a pas pensé à nous. Il n'est pas là pour la juger. Là, si on appelle, c'est pour vous. Moi, je suis le premier à penser qu'elle est grande, ta mère, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais tu peux lui faire comprendre qu'il est malheureux et que du coup, il veut savoir pourquoi il y a eu ça, c'est tout. Les enfants, on le fait trop tard cet appel. On n'aura pas le temps, on aurait pu se marrer et tout. Je suis pas sûr que tu vas te marrer avec maman. Non, mais. C'est un gros dossier, je pense. Bon, ouais. Mais je ne savais pas ce que vous voulez que je dise, moi. Je veux pas dire il est malheureux. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas un truc qu'on va régler en 30 secondes. Quoi. Non, mais on va pas savoir, on a 5 minutes. On peut passer 4 heures sur un Jackie et Michel. Moi, j'aurais bien fait une semaine. Pour il y a la fin dans le monde de Jackie et Michel. Jusqu'à la fin de l'année, tous les jours. Non, mais c'est juste qu'il y a un moment, excusez-moi, elle a tué personne. Pas non plus. Allez, on l'appelle. On part pas de temps. On se demandait si on l'appelle ou pas. On l'appelle. On y va, allez, c'est parti. Il y en a un qui dit une amie à moi, elle a fait 3 vidéos, elle a touché 1800 euros. Ah la vache. Oui, mais bon, t'attends trop de balles vu par la moitié de la planète, c'est un choix. Hein. Voilà. À 1800 euros, moi je reste pas trop de balles dans mon jean, excusez-moi. C'est mieux payé que certaines actrices, comme tu disais. Mais bon. Faut aimer se faire prendre à l'arrière de la boulangerie aussi. Hein. Ah, tu l'as vu celui-là? Ouais. Oui. Elle a peut-être pas décroché. Hein. La boulangère revient régulièrement. Je crois qu'il y a beaucoup de fake hein, quand même. Injoignable. Un mec qui répond au tournage. J'ai rajouté un zizi. On y retourne, on rappelle maman. Ah, écoute, si ça marche pas, on essaiera demain. Ouais, surtout qu'il y en a d'autres qui arrivent apparemment. D'autres vidéos qu'elle tourne. Elle est peut-être en repérage là. Ouais, elle tourne peut-être en ce moment. Allô? Injoignable pour le moment. Ah, d'accord. Ah, elle a zappé, on dirait. Eh ouais. On va peut-être qu'elle écoute. Mais peut-être. Attends, il y a Loris qui appelle avec son téléphone. Regarde comme il se place lui. Ouais, il a pris le numéro de la daronne. Mets un haut-parleur. On va passer avec le téléphone de Loris. Comme ça, elle aura ton téléphone. Comment elle s'appelle, maman? La maman de Stifler. Peut-être pas le dire. Bah, sur vidéo, elle s'appelle Sylvia. Je vais dire bonjour, madame. Ah, tu vois, elle zappe. Non, je pense qu'elle écoute, non? À mon avis, elle écoute. Je crois que quelqu'un l'a prévenu, mon ami. À mon avis, ouais. Bon, madame, moi, je vous défends en plus. C'est vrai. Je suis fan de tous vos films. J'ai tout vu. Je voulais. Bon, bah écoute. Bon, on restera le rappeler demain. Jérémy, on termine sur, sur ce truc-là. Toi, t'oseras plus regarder Jackie et Michel. Hein. Ah non. Hein, tu te diras, on sait jamais d'ici à ce que maman ait fait une nouvelle vidéo. Ah, c'est pas lui qui a regardé en plus. Hein. Bon, allez, je te comprends, mon pote. Je te fais un bisou. Et n'oubliez pas que c'est un site interdit aux moins de 18 ans, d'accord ? On n'en a pas fait la promotion. Non, jamais. C'est pas bien. On a dit 800 fois le nom, mais. Ah oui, mais enfin bon, c'est en même temps, pas besoin de nous pour que tout le monde connaisse le nom. On connaît tous un Jackie et Michel autour de nous. Eh bah oui, encore une fois. Je connais très très peu de Jackie et Michel réunis dans la même pièce. Bon, je te fais un bisou, Jérémy. À bientôt. Ouais, à bientôt. Je t'embrasse, mon gars. On dit merci qui ? Ouais, merci. Je déconne. On vous laisse avec Guillaume. Bisous, tout le monde. On va revenir demain. N'oubliez pas, demain, c'est Mike Posner qui va être avec nous. Soyez sages, bonne nuit, à demain. Et grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs. Et bientôt en Belgique. Ciao, au revoir. Coé revient demain, dès 19h, sur Énergie. Pour une fois que l'odeur dans les studios ne sera pas de leur faute. Guillaume Radio 2.0. Émission spéciale animaux. De 22h à 1h, sur Énergie. Avec 22h à 1h, ce soir. Voilà, petite surprise, changement de programme. On avait dit, vraiment, on a eu beaucoup d'associations qui nous ont dit vous pouvez pas faire ça, etc. Ils avaient raison. On ne le fera pas dimanche 12. Mais en échange, on le fait ce soir. Voilà, c'est voilà, donc ça va arriver ce soir. On a une spéciale animaux exotiques dans l'émission. On a invité un lion blanc dans un instant qui va venir nous rejoindre dans le studio. Et alors, j'ai vu qu'il y en a qui disent ouais, Guillaume, ça va être une barre de chocolat. Et c'est vraiment mal me connaître, hein, les mecs. Hein. Et, moi, faire venir une barre de chocolat à Lyon, dans ce cas-là, j'aurais pu faire venir le maire de Lyon. J'aurais pu faire venir un homme de signe astrologique Lyon. Un monsieur Lyon. Non. On va faire venir un vrai animal à poil, un vrai lion. De la savane, voilà, ça arrive tout à l'heure. Les meilleurs sont dans la place, voilà, je vois les messages. Eh, bah, salut les gars, bah, c'est parti, 22h01. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Guillaume et votre texto au 612, hein. Vous commencez le texte du SMS par Guillaume, pour qu'il arrive dans mon studio. Guillaume, et puis le message que vous voulez, vous le balancez au 612. On se fera le nouveau soprano ce soir qui a été envoyé. Là, j'ai entendu que le Coé venait de passer. Il vient de l'envoyer par mail. Bon, on va le caler tout à l'heure dans l'émission, avant 1h. On se fera plaisir. Si vous venir délire avec nous, bah vous êtes à la maison comme d'habitude avec toute l'équipe qui est là, qui s'installe, donc vous êtes vraiment tranquille. Et puis le standard qui est gratuit, on pourrait nous appeler 0870 42 48, 0870 42 48, pour nous passer un petit coup de fil. C'est gratuit sur le fixe. C'est pas la peine de faire venir des animaux avec Julien Stagiaire et Guillaume Sandin dans les studios. Les gars, c'est la team RCEA et à CQFD Ghost 18. Ça va, Julien Stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. Bon, ça va. Ah, mais c'était qui rigolait? J'ai entendu un rire là. C'est toi, Julien? Ah, je crois que c'est lui, ouais. Mais tu es très féminin ce soir. On me compare à un animal. Ça va, Julien? Alors, Julien Stagiaire, bonsoir à toi. Oui, salut. Un peu stressé parce que un lion, quand même, je sais pas comment ça va se passer. Alors, ça a monté progressivement. Hein, ouais, voilà. Jamais on vu fera en pas plus. Venir les autres animaux parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que si jamais on devait le faire dimanche, ça aurait été annulé. Il y avait trop de pression à droite et gauche. Ouais. Donc, voilà, on s'est dit qu'on allait prendre tout le monde au dépourvu, qu'on allait faire ce soir, voilà, rapidement. Et donc, ça va être dans un instant à faire rentrer. On a un lion qui est en train d'arriver en camion. C'est un peu l'angoisse. Ouais, il n'est pas assis sur le siège, il est derrière. Mais je me suis engagé, je ferai venir un lion à une seule condition. C'est que sur Twitter, vous foutiez tous un petit tweet avec hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie. Et dès qu'il arrivera en top tweet, on fera rentrer. Il s'appelle Gaspard, le lion qu'on a réussi à trouver. C'est un beau prénom, c'est bien. D'un zoo pas très loin qui nous l'a prêté pour la soirée. Voilà. Hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie. Foutez-le, Lyon, L-I-O-N. Ouais, pas L-Y-O-N, c'est la ville. Voilà. Hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie en Twitter. En tweet. Ça va, Jim Sonar? Salut, Guillaume, ouais, ça va bien, ouais. Ça va bien ta journée, ouais. Un peu stressé et mal aux yeux, là. Ah, ouais, il y a un mec. On dirait un mec bizarre. Ah, ouais, c'est trop chelou. Il marche en avant, Guillaume Sandar, là. Je suis pas bien, Guillaume. Ça tourne. T'as mis des lentilles pour la première fois aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et je les ai levées. Et c'est pas une bonne idée, ouais. Non, ouais, ça me fait mal aux yeux, ça pique un peu les yeux. Ah, s'il y en a qui ont des conseils pour Guillaume Sandar. Un opticien. Parce que le pauvre, là, vraiment, il est mal dans sa peau toute la journée, il te regarde, il louche à moitié. Ouais, j'ai les yeux qui pleurent et tout. Et mais je crois qu'ils ont dû être trop épaisses. Tu les as enlevées, là? Ouais, je les ai levées, ouais. Alors, elles sont sales. Ouais, parce que là, toute la épaisse, non? Bah, je sais pas, c'est la première fois que j'en porte. C'est pas des lentilles de merde? Bah, je crois pas, j'espère pas. Les acheter en solde? Le bordel va commencer. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Habille, j'y deuxième du standard en zèbre. Putain, mais c'est clair. J'aurais dû prendre, on aurait dû se déguiser ce soir. Oui. Putain, j'ai été con là. On aurait dû. Vrai. On a des costumes en plus d'animaux. Ouais, mais imagine, après, si t'as le lion, oui, ça le fait. Non, mais avant le, oui, non, mais avant qu'il arrive. Il le sent, ça. Alors, le lion qui arrive dans quelques minutes. Juste le temps qu'on fasse monter un top tweet et c'est bon. Ça va, Amina du standard? Oui, salut Guillaume, salut tout le monde. C'est bon, c'est bon. Est-ce que t'aimes bien les animaux ou pas? Bah, les animaux normaux, quoi. Genre les chats, les chiens, mais pas. Ouais, mais c'est pas. Ça veut rien dire. Non, c'est beau, franchement, les lions, ça ouais, c'est beau, mais. C'est loin. Beau. Excusez-moi, j'adore les chiens, mais un lion, c'est quand même au-dessus. Ah, bah ouais. Mais t'as un lion face à toi, quand même, c'est beau. On va caresser un lion. Ah, moi, je suis trop content de pouvoir caresser un lion. On a le bébé lionceau, apparemment, et le lion. On a le papa, le fiston. Ah, le bébé lionceau, c'est mignon. Oui, ça, ça va. C'est un petit chien. Tu peux nous faire croire que t'as peur du lionceau. Quoique, alors j'ai vu 2-3 photos. On a un gars qui s'appelle Théo dans l'équipe qui allait chercher, enfin, qui l'a trouvé, le lion, qui a fait un accord avec le zoo, etc. Putain, c'est impressionnant. T'as vu les chicots? Ah non, mais alors vraiment, c'est pas les chicots qui sont les plus impressionnants sur un lionceau. C'est il quoi a des griffes de 2,5 cm. Ah, ah donc il peut le griffer. Des vraies lames de rasoir. Ah, mais je le touche pas alors. Franchement, c'est impressionnant. Alors, il a filmé Théo, c'est bon. Le gars qui bosse avec nous, il y est allé cet après-midi. Il y est allé aussi il y a 2 semaines quand il a mis les photos sur internet, tout ça fait un scandale. Et bah putain, et ces photos là, c'est impressionnant. Moi j'ai une vidéo où il sort ses griffes, le petit lionceau, c'est impressionnant vraiment. Ah, il est vénère direct. Donc voilà, hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie, Gaspard le lion. voilà, Gaspard le lion rentrant dans le studio de Guillaume Play, que quand, voilà, sera entêté. Merci beaucoup sur Twitter, je vois que ça retweet. Merci. Bah, on va le monter, on va le faire monter en top tweet numéro 1 évidemment. Une petite pensée pour le GIGN qui mangeait au McDo tout à l'heure. Ah, oui. À Besançon. Lorsqu'il y a eu un braquage, ils étaient 11 habillés en civil avec leur pistolet juste à l'arrière de leur ceinture. Ah, ils ont pas eu de culé, habillés comme des gens. En plus, c'est 11, c'est comme une équipe de foot. Ah bah ouais, même un mec, hein, je pense qu'il les arrête. Ça commence à être une grosse tablée. Ouais, et apparemment, les mecs, ils ont braqué le McDo, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Et ils ont essayé de braquer la caisse, etc. Les mecs, ils ont été malins, ils ont dit on bouge pas, on attend. Dehors. T'as les mecs, ils devaient dire putain, c'est notre jour de gloire. Ah, ah, comme t'es heureux. Et ça fait 10 ans que je m'entraîne, c'est maintenant. Quoi. Ouais. Et apparemment, le mec, il a quand même visé le GIGN alors que. Ah, ils étaient deux. Ils se sont annoncés, ils ont quand même tiré. Il y en a un qui a pris une balle, ouais. Et bah, ils ont mis une balle dans le bide. En plus, ils savent tirer, je pense. Et voilà, la preuve, ils l'ont touché. Lui, non. Enfin, remarque, on sait pas s'il y a pas un mec blessé d'ailleurs. Ils l'ont pas dit, je pense pas. C'est vrai que. Est-ce que vous pouvez faire un live Facebook? Évidemment, on va faire un live Facebook. Ouais, oui. Vous pouvez venir sur la page Facebook, hein, Guillaume Play, P-L-E-Y. On se mettra en live sur Facebook dans 2 minutes. Comme ça, vous pourrez voir le lion arriver. Gaspard, le lion et le petit lionceau. Je sais même pas son prénom d'ailleurs, au lion, là. Au lionceau. J'ai pas encore reçu mon autocollant. Alors, c'est pas normal, gros. Salut, Pauline du 6-2. Là. Salut. Renvoie ton adresse pas, ou ton numéro de téléphone. Il vient du Cameroun, ton lion. Alors, je sais pas d'où il vient, c'est une bonne question. On lui demandera. On va demander à l'éleveur. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a, mais il y en a dans plein de villes, dans plein de pays, hein, les lions. Là, c'est un lion blanc, il y en a plus de 80 sur Terre, c'est impressionnant. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Moi, j'aimerais bien qu'il monte à Minas du Sénat, se fasse monter par un lion blanc. Ah, ça va pas, c'est pas légal déjà. Non, de non, base. Mais que tu montes, enfin, tu vois, que tu fasses un jeu avec non, lui. Non, j'ai une scoliose, il va me péter le dos. Mais apparemment, il est sympa, le lion. Oui, sûrement. Mais, par contre, lui. Il faut pas faire de photos avec des flashs, sur ça, ils nous ont prévenus. C'est vrai sur, ouais, alors, sur plein de sécurité. Dès que le lion rentrera, et apparemment, il faut pas faire de photos avec des flashs, il faut pas crier. Alors, à Minas du Sénat, on va te demander de pas couiner. Il va pas falloir crier, il va falloir parler trop fort, pas falloir rigoler trop fort. Oula. On fait comment? Donc, chuchote. On va parler comme ça. Il sera à côté. On va le mettre à côté de moi, à ma gauche. Ouais, voilà, dans le studio, il y a à peu près la taille de mettre un lion, tout juste. Hein, parce que franchement, c'est limite. Hein. Ouais. Même pour la force, je sais pas. Mais moi, c'est, alors, moi, j'ai demandé s'il y avait une protection pour la mâchoire ou pour comme une sorte de muselière, et apparemment, non. Hein. Ah, il vient comme ça. Ouais. Pourquoi on a un numéro entrant qui appelle le standard un numéro. Parce qu'il y a des trafics en ce moment. Il y a des trafics de quoi? Il y a un numéro qui tourne, donc voilà. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah merde. Et ça appelle les États-Unis là. Hein. Ouais, c'est un peu relou, ouais. Mais c'est qui? C'est quoi? Bah, c'est des gens qui ont envie d'embêter un peu. C'est vrai? Ouais, depuis une heure. Ah, c'est génial. On peut décrocher. Attends. Allô? Allô? Allô? Ouais, ça va quoi? Ah merde, c'est Guillaume. Ah bah oui, c'est Guillaume. Mais si tu appelles, c'est que tu sais que c'est moi. Ça va ou quoi? T'appelles des États-Unis? T'appelles d'où? Là, dans le Colorado. Dans le Colorado. Putain, c'est ouf. Bon, attends, on va te reprendre dans 2 secondes. Ah ouais. Pourquoi t'entends bien? Putain, c'est ouf. Hein. On l'entend un petit peu en décalé, mais on va le prendre. Hein. Hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie. Alors, allez-y. Hein. Bande de sous-merde, vous avez fait l'émission maintenant. Vous avez eu peur de notre éventuelle manif? Exactement. Il est pas trop tard pour venir. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les dents du vagabond de j'aimer. C'est trop bien Guillaume, je suis trop content de passer une émission comme ça, c'est ouf. Eh ben c'est gentil les mecs. Merci. Voilà, hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie. Lequel des deux a le plus peur d'après vous, Amina du Standard ou Jean Stagiaire? Bah moi j'ai je dirais Amina du Standard. Ouais. Bah moi je vais me cacher, c'est vrai que j'ai peur. On va voir ça dans un instant. Sarah qui est là du 92. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, j'étais stressé là. Ouais. Ça commence à monter là. Il regarde un peu blanc là. Bah, à Lyon. Bon, et. Pas tous les jours. Quoi. Guillaume, et votre message au 6-11-12. Si vous avez des questions pour le dompteur, on va lui poser les questions avec un lion dans le studio tout à l'heure. À voir, ça va être très très bien. Alors, on a hâte de voir ce que ça va donner dans deux minutes. Et d'abord, Sarah, 20 ans de Anières. Tu fais quoi dans la vie, ma Sarah, toi? Je suis étudiante. En quoi? En psycho. Cool. Ouais. Première année, deuxième année? Deuxième année, c'est pour faire quoi après? Je sais pas. Psychologue? Je sais pas, ça ouais. J'arrête à... Non. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui savent pas ce qu'ils veulent faire et ils font psycho. Ouais, voilà, c'est ça. Psycho ou socio? C'est comme les écoles de commerce. C'est vrai que les écoles de commerce, ça apprend à avoir le sens du business. Mais c'est vrai, on va pas critiquer toute la planète. Ça permet d'avoir le sens de si tu veux créer une boîte, ça t'apprend les bases. Après, il y a des écoles plus ou moins bonnes, mais il y a des très très bonnes écoles de commerce en France, on est super. Après, ils prennent tout le monde, franchement. Les gars, il y a les meilleures écoles de commerce, c'est en France, en Angleterre et aux États-Unis. Les business schools. Il y a des écoles, justement. Ah, il y a les écoles de merde. Ah, oui. Pourquoi t'as fait une école de merde, toi, 1901? Non, mais j'ai une copine, franchement, elle passe toute sa vie en soirée, elle fait une école de commerce, mais laisse tomber, à part dépenser de l'oseille, c'est tout ce qu'elle fait. Hein. Ah, oui, bah alors ça, c'est possible aussi, ouais. Ah, oui, non, c'est sûr, il y a des écoles privées de merde. Oui, qui sont là pour l'oseille. Il y en a plein. Exactement. Je serais impressionné là où Guillaume fera rentrer une girafe dans le studio. Oui, mais je crois qu'elle rentre pas. Ne me tentez pas trop. Non, je pourrais trouver un bébé girafon. C'est pas méchant une girafe, si. Non, c'est pas méchant une girafe. Mignon, non, ça par contre, c'est bon. Mais un lion non plus. Hein. Bah quand même. C'est bon, le lion est en top tweet. Non, je ne le vois pas en top tweet. Hein. Je suis désolé. Hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie n'est pas encore en top tweet. Il faut le mettre. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Sarah? Tu t'es allée à l'hôpital, toi, l'autre jour? Ouais, je me suis fait opérer. Ouais. Et une semaine après, il y a une infirmière qui m'appelle que je connais absolument pas. Et elle me dit, au début, quand c'était elle parle quand de c'était il y a 2 ans. Ouais, t'avais 18 ans, t'étais majeure. Ouais, voilà. Ouais, et au début, elle me parle de l'opération. Et un petit peu après, elle commence à me faire. Je sais pas, elle me dit, ouais, t'es mignonne et tout. Elle me dit, t'as l'air bien élevée, tout ça. Et je me dis, mais elle me drague, là, c'est pas possible. Et après, donc, je me suis dit, elle doit être lesbienne, quoi. Et là, une dame de quel âge environ? Ah, je sais pas du tout, mais je la connais pas du tout. Ah, tu l'as jamais vue? Ah non, du tout, ouais. Elle me dit qu'elle était avec le chirurgien dans le bloc opératoire. Ah oui, donc tu dormais en fait. J'avais vu une femme en rentrant vite fait, quoi. Juste avant qu'ils m'anesthésient, quoi. Putain, c'est ouf, et ouais, donc, d'accord. Et donc, du coup, elle a pris mon numéro dans mon dossier médical, quoi. Ouais. Sans le dire à personne. Et après, elle me dit, oui, donc je pense que tu serais bien pour mon fils, nani. elle me dit, j'ai essayé de venir te voir juste après l'opération. À la salle de réveil, mais tu dormais toujours et tout. Et elle me dit peut-être que t'aurais préféré que lui vienne directement te voir. Je lui dis mais non, pas du tout et tout. Et elle me dit oui, parce que lui me ramène des filles parfois, mais bon, toi, comme je t'ai vu, t'es vraiment mignonne et tout. Et donc voilà, elle me dit je suis désolée de t'approcher comme ça et tout. Elle m'a dit j'ai essayé de venir te voir juste après, mais bon, voilà, j'ai pas réussi. Donc et elle me dit, je lui dis non, mais ça m'intéresse pas du tout. Attends, donc elle a essayé de te draguer. Enfin, de te brancher son fils, quoi. Ouais, voilà, ouais, l'intermédiaire. Ouais, mon fils. Qui veut épouser, exactement, qui veut épouser mon fils. Ouais. Putain, c'est marrant, quoi. Et du coup, tu l'as rencontré, son fils, ou pas? Ah non. Elle m'a dit, t'as quel âge? Je lui ai dit 18 ans. Elle me dit, ouais, donc c'est peut-être pas de ton âge. Lui, il a 23 ans, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mon père, il m'a dit, raccroche et tout. Mais moi, j'étais mal, je voulais pas raccrocher. Ah, tu peux y aller quand même. Pour voir, moi, je suis à ta place, Sarah. Franchement, c'est le mauvais plan. Moi, je demande une photo avant. C'est glauque comme histoire. Non, mais Sarah, si elle est mimi et qu'elle a 20 ans, elle fait qui elle veut. Non, mais si le mec, il est beau gosse, je sais pas. Non, mais franchement, elle va pas aller se faire chier à rencontrer un mec. Elle a l'amour de sa vie,